principe des soirées, tout ça, voilà, il y a un compagnon qui fait un exposé introductif sur le thème choisi. Et voilà, après c'est suivi d'un débat, voilà, plus ou moins, c'est ça, polémique. Et donc l'exposé, il dure en général trois quarts d'heure, pour laisser la place quand même aux interventions. Alors ce soir, le thème retenu était le thème autour de Voline, et l'œuvre de Voline, notamment son ouvrage La Révolution inconnue. Alors pourquoi on a choisi ce thème? C'était justement qu'on a fait cette année plusieurs exposés concernant des intellectuels, des penseurs tels que on a fait Castoriadis, on a fait Rosa Luxembourg, on a fait Clastres, et dernièrement on a fait Pannekoek. Et lors de la réunion sur Pannekoek, il y a des camarades quoi, qui ont cité Voline et qui ont dit Voline était pour le syndicalisme et contre les soviets. Voilà, ils l'ont dit de façon lapidaire. Et du coup, ça nous a donné l'envie de revoir un peu l'œuvre de Voline, ce qui s'est passé, pourquoi il a pu le présenter ainsi, et du coup, de faire un peu une marche arrière sur cette révolution russe, et sur le processus révolutionnaire, surtout, qui a conduit à la révolution russe. Le thème de ce soir, c'est le processus révolutionnaire et les prémices de la révolution russe. Pour ma part, mon exposé s'arrêtera pratiquement au coup d'État d'octobre, donc quand débute la réaction, parce que moi personnellement, bon, après vous verrez, hein, mais moi je me suis intéressé à l'émergence dans une société complètement étouffée, complètement bâillonnée par le tsarisme, qui était un régime autocratique absolu, à l'émergence de l'idée révolutionnaire, à l'émergence de l'idée d'émancipation. Et je crois que pour ça, l'ouvrage de Voline nous donne des pistes tout à fait intéressantes et tout à fait originales. Moi, j'en ai retenu deux. Ce que Voline appelle la fin de la légende du tsar, notamment les événements donc, du dimanche sanglant à Saint-Pétersbourg, le 9 janvier 1905. Un autre thème que je retiens, qui retrace l'évolution de cette société, de cette population, ce n'est pas classiquement, comme classiquement on pourrait le dire, l'évolution des masses ouvrières dans l'Empire russe. Je ne m'y suis pas trop attaché. Pour ma part, je me suis attaché à l'évolution de la condition de la femme dans ce même empire russe. Vous verrez pourquoi. Il y a eu trois critiques que j'ai pu relever concernant l'œuvre de Voline. Le cadrage temporel. La révolution inconnue débute en 1825 pour s'achever en 1921. L'ouvrage de Voline, il commence avec la tentative de coup d'État de 1825 et il s'achève avec la réaction on verra plus tard, moi j'appelle ça la réaction bolchevique, enfin bon, ça donnera lieu à polémique certainement. Ce cadrage temporel, c'est-à-dire que Voline est débuté en 1825, a donné lieu à quelques polémiques dans le milieu notamment libertaire, notamment. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une polémique sur le tard entre les partisans d'Archinov, Makhno et les synthétistes de Voline. Et on a sorti, parmi les partisans de Makhno, on a sorti que faire partir la révolution inconnue de 1825, c'était un peu trop tard. Il fallait aussi parler des révoltes serves et des révoltes cosaques. Certes. La deuxième critique qu'ont amené les camarades du CCI a été la position syndicale de Voline et sa critique des soviets. Et la troisième critique, et là j'y adhère parfaitement, c'est l'absence de description du mouvement anarchiste lors de la période 1905-1917 à ce moment-là. Et effectivement, Voline était absent de la Russie. Et son livre, La Révolution inconnue, en parle très peu. Donc j'ai amené quelques autres ouvrages, pour ceux qui voudraient approfondir ce qui s'est passé au niveau du mouvement anarchiste entre 1905 et 1917, parce que là-dessus, il y a quand même un vide. Bon, Vouline, qui c'était? C'était pas son nom. Vouline, c'est pas un nom. Il s'appelait Michael Eichenbaum. Bon. Il est né en 1882, il est mort en 1945. C'est-à-dire que il a traversé, dans la pratique et dans la théorie, parce que c'est un militant qui a à la fois pratiqué, qui a à la fois pu théoriser, c'est un militant anarcho-syndicaliste, pour tout dire, il a traversé la période tout à fait importante, donc, révolutionnaire, internationale, des années 1917 à 1936. Il a connu le reflux, la montée de la révolution et le reflux de la révolution. Et il a été acteur, en 1905, du premier soviet de Saint-Pétersbourg. Il en a été acteur. Et il a vécu, parce qu'il est parti en exil, donc entre 1905 et 1917, et il a vécu la révolution russe à partir des journées de mars-avril 1917 jusqu'à 1921, où il a dû partir. Comme il est mort autour de, en 1945, il a aussi vécu les contradictions de la révolution espagnole et de la guerre d'Espagne au sein du mouvement anarchiste. Il a vu tout ça, il a vu la montée de la réaction, de toutes sortes de réactions, de la réaction stalinienne et de la réaction fasciste. Une date importante, parce qu'il faut spécifier que Voline était fils de la bourgeoisie. Voline adhère d'abord au Parti Socialiste Révolutionnaire. Il n'est pas anarchiste au départ. Voline est un militant idéaliste, comme il y en a eu tant dans ces générations des années 1880. Tellement idéaliste que, comme anecdote, on peut citer qu'il a reçu un héritage, puisque ses parents étaient de la bourgeoisie aisée, et qu'il a donné tout son héritage au Parti Socialiste Révolutionnaire. C'est en exil, en 1916, qu'il adhère à l'Union des ouvriers russes, qui est une union anarcho-syndicaliste et qui publie Golos Trouda. Donc je l'ai déjà dit, l'exposé de ce soir, moi, je vais faire surtout autour de ces axes-là. Parce que c'est l'histoire de la Russie, de la révolution russe, c'est excessivement vaste et je ne peux pas être exhaustif. Donc j'ai choisi à la fois deux points d'accroche et trois points critiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en Russie avant 1825? C'est-à-dire, qu'est-ce que oublie Vouline et pourquoi, quelque part, il l'oublie? Parce qu'on voit bien, quand on lit les ouvrages de Skirda, qui est aussi un compagnon libertaire, il nous écrit « Makhno, le Cosaque libertaire ». Bon. Évidemment, les Cosaques, c'est les hommes libres. Mais c'est quoi, les Cosaques? Les Cosaques, c'est un peu les reliquats de ceux qui, face à l'invasion mongole, a pu subsister comme tenant de la foi orthodoxe à ce moment-là, à cette période du XIIe et XIIIe siècle. Ils se regroupent. Ce sont des hommes libres. Oui. Mais ce sont des hommes. C'est-à-dire qu'ils oublient la moitié de l'humanité, déjà. On parle de, mettons, de Stenka Razine. Stenka Razine, à un moment donné, pour se faire réélire par ces hommes, il se débarrasse de sa compagne, il la jette dans la Volga. Parce que c'était pas le fait d'un chef que d'avoir avec soi sa concubine. Eh bien, pour continuer à être le chef, il noie sa compagne dans la Volga. Qu'est-ce qui se passait pour les femmes en pays cosaque? Un cosaque rentrait d'expédition, ça durait un an, il retrouvait sa femme enceinte, c'était pas normal. Comme là, une assemblée, il prend sa femme par les cheveux, il la met au milieu, et il dit qui la veut. Personne. On la coud dans un sac, on la jette à la Volga. C'était des hommes, libres. Mais les femmes n'étaient pas libres. Déjà, c'est pas tellement... Bon, il y a quelque chose de libre, mais c'est pas tellement un truc. Après, les Cosaques sont leur ciment idéologique, c'est la foi orthodoxe. N'importe qui pouvait rejoindre des groupes cosaques s'il savait faire un signe de croix. Alors je crois que les orthodoxes, c'est un signe de croix inversé. Enfin bon. Et évidemment, toutes ces révoltes, évidemment, puisqu'il y avait toute cette prégnance de la domination, toutes ces révoltes elles sont toujours faites, que ce soit celle de Stenka Razine ou de Pougatchev, sans remettre en question le tsarisme. Au contraire, toutes ces révoltes ramenaient un nouveau tsar, le vrai tsar, se faisait le nom du tsar, voilà. Et la première vraie révolte idéologique qui a remis en cause l'idéologie du système, c'est bien sûr celle de 1825. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ce sont les officiers nobles de la garde, des régiments d'élite de la garde impériale qui se révoltent parce qu'ils veulent mettre en place, quelque chose qui ressemblerait à un truc constitutionnel. Bon, ça ne veut pas dire grand chose. Mais enfin, il y en a quand même qui tirent sur le tsar. Et ça, en 1825, tirer sur le tsar, quand on voit que deux ou trois siècles avant, Ivan IV le Terrible avait pris ce titre de tsar, pour justement en faire un personnage sacré, le défenseur de la foi, le détenteur de la parole de Dieu, quelqu'un qu'on ne pouvait pas remettre en cause, en 1825, qu'un complot s'organise et qu'on tire sur le tsar, c'est un événement. Ils sont condamnés à mort, hein, ceux qui ont tiré sur le tsar. Bon. Et le livre de Voline commence comme ça, avec la révolte de décembre 1825. Entre-temps, je vais relever deux ou trois choses quand même concernant l'évolution de la condition de la femme à ce moment-là. Vous avez vu les Cosaques, hein, comment ils traitaient leurs femmes. La bourgeoisie, c'était pas mieux. La bourgeoisie russe, les aristocraties, mettaient les femmes dans ce qu'ils appelaient le harem. C'était pas le terem. C'était pas le harem, c'était le terem. C'était un endroit où on mettait les femmes de côté. J'ai cité Ivan IV le Terrible. Bah, Ivan IV, je vous dis, eh bien, il va croiser sa belle-fille, l'héritière de son empire, mais elle n'a pas ses trois robes superposées sur elle. Il le croise dans son palais, chez lui. Bon, eh bien, il va la battre tant et si bien qu'elle fait une fausse couche et que plus tard elle va mourir. Ce qui va créer par la suite des troubles dynastiques assez importants. Et voilà, la femme elle met pas trois, eh bien on la tabasse, elle met pas trois, t'as pas trois robes, bim bam boum. Voilà, du haut de l'échelle sociale au bas de l'échelle sociale, la femme ne compte pas. Pourquoi? On a parlé de la religion orthodoxe. Il faut savoir que la religion orthodoxe, ce qui est le ciment du régime, le ciment idéologique du régime, eh bien elle considère la femme comme quelque part un truc entre le démon et le diable. À tel point que la religion orthodoxe en Russie, il y a des sectes qui dureront d'ailleurs jusqu'en 1917, voire plus tard, d'hommes qui, pour ne pas fréquenter des femmes qui pourraient mettre leur âme en perdition, se castrent. Il y a des sectes d'eunuques. Voilà l'état psychologique qui va évoluer. C'est-à-dire, on part d'une base politique totalement autocratique. Ivan IV met en place cette autocratie qui est basée sur une religion, une idéologie qui va lui permettre d'abord de développer tout un impérialisme contre toutes les régions adjacentes. Il va lui et ses successeurs vont s'attaquer au territoire de l'Est, vont prendre toute la Sibérie jusqu'au Japon, jusqu'à la mer du Japon. Ils vont s'emparer, Pierre le Grand, de ce fameux Saint-Pétersbourg qui en 1914 voilà, deviendra Petrograd. Parce que Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand est un admirateur des Russes, avait donné un nom Saint-Pétersbourg allemand, la ville sainte de Pierre, mais allemande. 1914 deviendra Petrograd. Bon. Et au sud, guerre en Ukraine contre la Pologne, guerre au sud au Caucase, l'histoire de l'Empire russe, jusqu'en 1825, c'est une série de guerres impérialistes. Le Grand Duché de Moscou devenu le tsar, l'Empire russe devient totalement une puissance en pleine expansion et va se développer comme ça, grâce à cette idéologie, va développer une idéologie militariste et impérialiste qui, pendant deux ou trois siècles, va étendre ses ramifications, à tel point qu'on arrivera à avoir un territoire parfaitement immense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 1825, les classes privilégiées trouvent le moyen de remettre en question quand même ce régime. Alors, suivant Voline, suivant d'autres, on dit que bon, il y a eu l'influence de la philosophie des mille des Lumières, sous Catherine la Grande, qui a fait venir Diderot pendant qu'elle finissait d'écarteler Pougatchev. Bon, on n'en est pas à une contradiction près. Il y a eu le fait qu'en 1815, ces gens-là, ces militaires russes, sont arrivés jusqu'à Paris, où ils auraient été en contact avec voilà, des anciens jacobins, républicains, je ne sais quoi, trop quoi. Bon, le fait est, 1825 est une date qui, dans les mentalités russes, va marquer les masses. Donc, en 1825, c'est la date aussi où le tsar Nicolas Ier, alors Nicolas Ier, il ne faut pas confondre. L'autre jour, j'ai vu un ouvrage chez ma mère, s'appelle aussi Nicolas Ier. Bon, c'était pas le même. Parce qu'en plus, il l'appelait Nicolas Latrique. Comme quoi, l'histoire a des similitudes frappantes. C'est le cas de dire. Nicolas Ier, c'est celui de... Je parle de celui qui a régné entre 1825 et 1855 sur le territoire russe. Voilà. Soyons clairs. Oui. Latrique aussi. Pour... Latrique, voilà. Mais non, mais il y a des similitudes étonnantes. Que, bon, qu'on retrouve comme ça. Il y a un ouvrage pamphlétaire qui est paru il n'y a pas longtemps qui s'appelle Nicolas Ier, de la part d'un historien. Je crois que c'est Rimbaud qui a fait ça. Et je me dis, tiens, Rimbaud est écrit sur Nicolas Ier. Moi, je pensais au nôtre. Et non, c'était l'autre. Mais tous les deux ont des points communs. Bon, celui-là s'appelait Latrique. Bon, je ne sais pas comment on appelle l'autre. Donc, et c'est ce Nicolas-là qui va mettre en place toute une politique oppressive. Il fait condamner les décapristes. Bon, il fait son petit massacre. Et il met en place une politique. Alors, c'est lui qui va créer l'Okhrana, par exemple. La police, la fameuse police de sécurité. Et il crée cette police. Et voilà. Donc, les choses se passent comme ça. Et apparaît, alors là, c'est là que je vais me servir de l'œuvre de Voline, parce que c'est tout à fait intéressant. Et apparaît ce mouvement idéaliste qu'on appelle le nihilisme. Et, écoute, on met un peu n'importe quoi pour le décrire. Alors moi, je vous dis l'opinion de Lénine sur le mouvement nihiliste. Pour lui, c'est un mouvement idéologique pur, mais qui va préparer les esprits à l'action. Et voilà comment il explique l'origine du mot de ce mouvement, du nom de ce mouvement. Voline ou Lénine ? Voline. Moi, je ne parle que de Voline. Mais tu as dit Lénine. Tu as dit Lénine. Comme quoi, tu vois, je te regardais. Oh là là. Bon, on peut reprendre, on arrête de rigoler. Voilà, comment Voline, donc, tu corrigeras sur l'enregistrement. Oui. Comment Voline a décrit donc l'apparition de ce mouvement nihiliste. Quand on demandait à un nihiliste, qu'admettez-vous du milieu qui vous entoure et qui prétend exercer sur vous son emprise ? Celui-ci répondait nihil. Je n'admets rien du milieu qui m'entoure. Ça veut dire nihil, bon, vous savez, ça veut dire rien. En russe, c'est Nietzsche. Bon. Nihil, nihilisme. Ça, c'est venu de là. C'est pas un truc, moi j'ai lu l'autre jour sur Wikipédia, je regardais, bon, ils racontent n'importe quoi, ils disent, ouais, c'est des gens qui se croyaient plus forts que les autres, etc. Non, c'est des gens, les nihilistes, il y avait aussi d'autres penseurs, il y avait Herzen, il y avait... Bon, c'est des gens qui ont remis en question tous les tabous, tous les préjugés d'une société absolument étouffante. Et c'est là que je reviens à l'histoire de la condition de la femme. Parce que c'est à partir de là, à partir de ce moment nihiliste, que vous allez voir des femmes, alors d'abord du milieu de la noblesse, de l'aristocratie, de la bourgeoisie, puis des ouvrières, intégrer les rangs des partis révolutionnaires, des groupes révolutionnaires, avoir des responsabilités, et l'égalité entre les deux sexes va naître à partir de ce moment-là. Là, l'histoire de la libération de l'homme, elle est corrélée à l'histoire de la libération de la femme. L'homme et la femme agissent en Russie, à pied d'égalité, dans leurs organisations révolutionnaires. Et ça se différence déjà avec ce qui se passait avant 1825, avant le milieu du XIXe siècle, avec les Cosaques et les Serfs. Il y aura des figures légendaires qui apparaîtront dans le milieu révolutionnaire russe, qui sont des figures féminines. Voilà. Et quand la réaction, vous verrez quand la réaction stalinienne arrivera, eh bien, mais même avant, on verra de moins en moins de femmes au Politburo et au Comité central. Ils garderont, je crois, Alexandra Kollontai quelque temps, comme on garde un pot de fleurs, en disant, voilà, il y en a une. Bon, et ça, on nous a fait le coup, c'est tout le temps comme ça. Et Voilà, c'est ça. Donc, voilà, moi je trouve ça, c'est cette piste intéressante. Je pourrais parler du développement du secteur industriel avec, bon, mais ça on le connaît, on l'a déjà fait, vous pourrez le faire. Bon, c'est, mais moi je trouve cette piste intéressante de voir aussi qui se passe ça, cette levée des tabous. Et ça, c'est grâce à un mouvement idéologique, idéaliste, le nihilisme, des gens qui vont remettre, Herzen, des gens qui vont remettre, qui disent il faut tout détruire. Les bases de la société sont corrompues. Voilà. Voline, à un moment donné, il dit pareil. Il dit quelles sont les bases de notre société. Il le dit aussi en 1920-1930. Il dit voilà, en matière politique, c'est la coercition. En matière économique, c'est le profit. En matière sociale, c'est l'exploitation. Et la culture, c'est quoi la culture actuelle? C'est l'espèce de gloubi-glouba, tout est culture, rien ne l'est, on ne sait pas. Voilà, la religion, un peu de... Voilà. Donc, il y a l'abrutissement. Donc, il y a une remise, vraiment, une remise en question, une critique, une rupture idéologique à partir du milieu du 19e siècle, à partir des éléments nihilistes. Voilà, ça c'est ce que dit... voilà, il prépare les esprits à l'action. Tous ces textes, tous ces gens préparent les esprits. Et l'action, ça va être quoi? Et c'est là qu'on va voir les populistes arriver, à partir des années 1880. Ils vont s'organiser notamment autour de la Norovaya Volia. Alors, je ne maîtrise pas le russe, moi, je suis d'origine totalement de l'autre côté du monde. Norovaya Volia, c'est la volonté du peuple. Voilà, bon, j'essaie de vous le dire en russe pour essayer là. Et ça va naître, d'après Vouline, de toute cette effervescence intellectuelle. Et ça va être le fait, effectivement, d'une certaine jeunesse, d'une certaine classe sociale, qui va, entre autres, et surtout, comploter, on est encore au stade de la conspiration, comme en 1825, on est au stade de la conspiration, qui va comploter contre le régime tsariste. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant qui est décrit concernant cette jeunesse, qui nous fait penser à l'époque actuelle avec certains mouvements. Ces jeunes vont aller tuer le tsar Alexandre II. Bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que le tsar Alexandre II est un fin politicien. Il succède à Nicolas Latrique, à Nicolas Ier. Il a besoin... la Russie vient de perdre la guerre de Crimée. Voilà. Elle est toujours en guerre. Hein. Bon, elle va reperdre la guerre du Japon, enfin, la guerre contre le Japon en 1905, bon... faire beaucoup de guerres, enfin, la guerre se fait avec les serfs, avec les moujiks, donc ça coûte pas grand chose. Alexandre II reprend donc un trône de Nicolas II, quand même un peu, qui a perdu un peu de son prestige. Alors les puissances occidentales voient que c'est quelque chose, une puissance absolutiste, bon, ils ont pris une raclée en Crimée. Bon, Alexandre II, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il va avoir besoin que les capitalistes occidentaux investissent dans son pays. Donc il faut donner une image. Eh bien, il va abolir le servage. Il va abolir le servage. C'est fantastique, vous me direz. Il abolit le servage, le type. Tous les serfs, ils deviennent libres. Oui, mais c'est sûr, c'est un effet d'annonce. On en connaît. On sait ce que c'est qu'un effet d'annonce. Mais voilà l'effet d'annonce en 1880 ou autour. On abolit le servage. Simplement, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas su par la population, par les masses paysannes, c'est qu'en abolissant le servage, il met en place un mécanisme pour que les serfs soient obligés de racheter les terres. Il met en place un mécanisme pour que les serfs, les anciens serfs, n'aient pas plus de 3 hectares de terre. Il met en place tout un mécanisme, finalement, pour abolir le servage, mais perpétuer la misère. Ce qui fait que, effectivement, double avantage pour cet homme. Hein? Il va avoir une main d'œuvre, effectivement, pas chère pour faire développer son industrie, etc. et tout. Et, de l'autre côté, il donne une image comme ça. C'est l'image Potemkin, quoi. C'est-à-dire, on fait visiter un village et on montre que la façade. On parle de vitrine, des fois, ici. Une vitrine. Voilà, regardez comment on est beau, mais derrière, bon, on a poussé toute la saloperie. Voilà, c'est une vitrine, l'abolition. Mais ça, les gens de la volonté du peuple le savent. Mais les masses paysannes ne le savent pas. Aussi bien quand ils vont tuer le tsar Alexandre II, avec un courage formidable, ils se précipitent sur lui avec des bombes. Bon, ils le tuent, très bien. Mais les gens ne comprennent même pas pourquoi ils le tuent. Les masses ne comprennent pas pourquoi ils le tuent, puisque c'est le tsar qui vient d'abolir leur servage. Et Vouline nous dit... la masse paysanne ne comprend pas ce geste qu'elle perçoit au contraire comme une réaction de la noblesse. Les gars de volonté du peuple, ils sont perçus comme réactionnaires. D'où étaient issus ces jeunes, entre parenthèses, et une partie de l'Ouest étant opposée au servage, les masses paysannes ont pensé que c'était des jeunes nobles qui tuaient leur tsar parce que c'était des réactionnaires. Voilà ce que c'est quand on parle de décalage entre la pratique et le contexte, voilà ce que c'est le résultat de ce décalage. C'est-à-dire, il y a un contexte, il faut l'analyser, et il y a une pratique après à côté. Voilà. Bon. Cette, la répression qui va suivre la mort du tsar Alexandre II va servir à quelque chose. Les révolutionnaires, les gens qui veulent en finir avec le tsarisme, qui ne sont encore que des minorités, qui sont les héritiers de ces décabristes, qui sont les héritiers des populistes, qui sont les héritiers de tous ces idéalistes qui veulent en finir avec toute forme de domination, eh bien, ils vont arrêter de conspirer, ils vont s'organiser. Voilà. Et c'est là, effectivement, que l'influence de la propagande... Alors, Lénine, Pauline, c'est pour ça que je dis Lénine, parce que lui, il nous dit, il n'est pas encore anarchiste à ce moment-là, et il nous dit, l'influence de la propagande marxiste va s'opposer à l'absolutisme. C'est-à-dire, il reconnaît que la propagande marxiste en Russie va servir quand même quelque part à développer parmi les gens un contexte organisatif beaucoup plus positif que le contexte conspirationnel. On en arrive donc à 1900 et il nous dit que l'agitation à ce moment-là n'est encore que le fait des minorités. Bon, pour les étudiants, j'ai relevé une phrase quand même qui me semble d'actualité avec ce qui se passe dans le bastion qu'est l'université du Mirail. Voilà ce qu'il dit à propos des universités qui sont, à ce moment-là, au début du XXe siècle, le fer de lance de l'agitation révolutionnaire en Russie. Est-ce que les étudiants prennent note? Là, vous pourrez le répéter à votre directeur, je sais pas quoi, là, ce que vous avez comme tsar. D'ailleurs, les universités restaient souvent fermées pendant des mois. La raison en était justement ces troubles politiques. Voilà. Voilà. Moi, je trouve une similitude. Je dis, voilà, quand les gens ne comprennent pas pourquoi les universités sont fermées, ben, c'est sûr qu'il y a un décalage entre la fac du Mirail et le reste, personne ne comprend rien, mais enfin, c'est peut-être quelque chose, on ne sait pas. Donc, ces années-là sont l'année des créations des partis ouvriers sociaux-démocrates et des partis socialistes révolutionnaires. Et on arrive donc à l'histoire de 1905, qui va voir apparaître la fin de la légende du tsar et le début des soviets, du mouvement soviétique. Alors, 1905, c'est assez bizarre, parce que c'est issu d'une manipulation de l'Okhrana. Le but, enfin, la stratégie était assez fine. Il s'agissait de détourner les masses ouvrières de la propagande socialiste marxiste en leur disant, voilà, vous pouvez, si vous organisez entre vous, obtenir auprès de votre patron des revendications immédiates. Ne vous occupez pas de politique. Et pour faire ça, pour faire leur petite organisation, l'Okhrana paye un curé, et c'est toujours la force de la religion qui est prégnante à ce moment-là, paye un curé qui s'appelle le père Gapone pour faire cette œuvre organisatrice à Saint-Pétersbourg. Et là, l'histoire prend une tournure tout à fait différente de celle qu'avaient pensé les stratèges de l'Okhrana. Gapone, donc, est un agent de l'Okhrana. Il jouit de la confiance des milieux ouvriers de la capitale. Il va les aider à s'organiser autour de ses revendications pour leur éviter de faire de la politique. Le problème est que le patronat, et là c'est toujours pareil, la bourgeoisie aussi c'est contradiction, une stratégie, mais le patronat ne marche pas dans la combine. Il va bien sûr refuser d'entendre les revendications ouvrières, mais de plus, il va exclure les meneurs. C'est à partir d'une grève de solidarité aux usines Pouliatov, qui va faire tache d'huile, que démarre le mouvement de 1905. Très rapidement, les ouvriers vont vouloir en référer au tsar. On est encore dans le mythe du tsar. Le tsar ne sait pas. Ce n'est pas la faute du tsar, c'est la faute des intermédiaires. Donc on va aller voir le tsar, avec le père Gapone. C'est pas normal qu'on soit exclu parce qu'on demande à gagner plus d'argent, on demande un peu de pain, qu'on soit licencié pour cela. Donc une marche est organisée sur le palais d'hiver, à Saint-Pétersbourg. Et cette marche réunit une foule considérable derrière le père Gapone. Et même le père Gapone, quelque part, est emballé par la machine. Il en arrive à écrire au tsar. Il lui dit, si le tsar refuse d'écouter les ouvriers, il dit, il n'y aura plus de tsar. Pour un agent payé par le tsar, c'est paradoxal. C'est donc une foule immense qui va se mobiliser ce dimanche 9 janvier, je crois, 1905, devant le palais d'hiver. Et là, les autorités ont perdu toute notion de stratégie et quoi que ce soit, ils paniquent, et ils doivent faire boire les soldats, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qui se passe, et les soldats sont organisés pour tirer sur la foule. Et ils tirent sur la foule, et Saint-Pétersbourg, c'est au nord, c'est la neige, et il va y avoir du sang, beaucoup de sang sur cette neige blanche. Et cette tâche-là, qu'on va appeler le dimanche sanglant, va être une tâche qui va totalement remettre en question le tsar et son régime, non pas simplement aux yeux de quelques personnes plus ou moins éclairées, mais aux yeux de l'ensemble de la population. Bouline écrit « L'absolutisme et le tsarisme furent moralement détrônés. » Voilà. Quand vous avez Victor Serge qui vous parle de la force morale, et que Bouline vous écrit « L'absolutisme et le tsarisme furent moralement détrônés », quand vous avez Pannekoek, tu le citais l'autre jour, sur l'esprit, quoi. On voit bien comment donner le combat idéologique, le combat pour la force morale, pour la position morale, est un combat dominant. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut avoir avec soi la force morale. Voilà. C'est l'esprit qui compte, c'est pas tellement l'épée. Et ça, c'est Napoléon qui le dit. Pas voulu. Alors là, effectivement, on va rentrer à la deuxième partie de la critique qu'on peut porter à Voline, à savoir la position syndicale contre les soviets. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça a été un peu lapidaire, comme il a dit le camarade autrefois. Voline est anarcho-syndicaliste. Même quand il a été au Parti socialiste révolutionnaire, son activité, c'était d'aller dans les milieux ouvriers et de les former, de les aider à s'organiser, à avoir une autre vue des choses. Il était à leur service. Voilà. Et quand il écrit le livre La Révolution Inconnue, Bouline se positionne en tant qu'anarcho-syndicaliste. C'est pas un syndicaliste. C'est un anarcho-syndicaliste. C'est tout à fait différent. Il est présent en janvier 1905 à Saint-Pétersbourg. Et il va participer au premier soviet, celui de janvier. Il nous dit que au départ, ce soviet est une permanence ouvrière et sociale. Et pour Voline, ce soviet doit être une organisation ouvrière dans laquelle les intellectuels comme lui ne peuvent qu'être un appui et non un dirigeant. Eh bien, nous sommes désolés. Quand quelques mois plus tard, Trotsky devient président du soviet de Saint-Pétersbourg, c'est pas totalement quelqu'un de l'usine Poliatov qui est président du soviet. C'est un intellectuel cadre du Parti social-démocrate qui prend la présidence d'un truc, de mouvement ouvrier. Et c'est assez important, effectivement, cette polémique sur le soviet, anarcho-syndicalisme, etc. Parce que ça amène toute la réflexion sur la verticalité ou l'horizontalité de l'organisation, à la base. Parce que les soviets, très rapidement, vont devenir une fédération de soviets. C'est-à-dire, on va élire des gars, vont devenir une structure représentative du mouvement ouvrier paysan en Russie. Et en tant que structure représentative, élisant des intellectuels formés par des partis politiques, ils vont devenir la caisse de résonance de ces mêmes partis politiques, infailliblement. Infailliblement. C'est comme si vous montez des coordinations d'étudiants ou je ne sais pas trop de quoi, et que vous y envoyez en permanence des gens qui sont déjà d'accord entre eux, et qui vous représentent. Eh bien, votre voix sera totalement étouffée. Il y aura au sommet, effectivement, une coordination qui vous représentera, mais vous n'aurez plus rien à dire. Et c'est la critique que porte Voline sur les soviets. Il regrette qu'en 1905, il n'y ait pas d'organisme ouvrier de classe authentique qui était formé. Parce que un organisme ouvrier qui prend comme président un politicien, même un révolutionnaire, il y avait un danger. Et c'est là-dedans. C'est ce qui va entraîner la domination future des partis politiques au détriment de la véritable action des travailleurs. Pour lui, c'est un passif. Parce que ces soviets-là qui sont créés de manière spontanée, alors qu'il y a une certaine naïveté dans les masses ouvrières et paysannes, et qui sont plus ou moins canalisés, récupérés par les éléments du Parti social-démocrate ou par les éléments du Parti socialiste révolutionnaire, eh bien pour lui, c'est déjà quelque part une déviation. Il expliquera par la suite. Si on peut rester sur ce problème des soviets, on va sauter l'histoire un petit moment pour continuer à se concentrer là-dessus. Quand il explique par exemple qu'il intervient aux usines Nobel en 1917 à Saint-Pétersbourg et qu'il encourage les comités ouvriers, les assemblées ouvrières à s'organiser pour aller de manière horizontale, aller voir d'autres groupes, d'autres entreprises, pour aller là-bas trouver les matières premières, pour aller échanger avec les autres ailleurs, il préconise, et les ouvriers le suivront, une pratique horizontale. Il sera en désaccord total avec les soviets, qui diront non, il faut passer par les soviets. On ne peut pas prendre des contacts comme ça les uns avec les autres. Les soviets, c'est le début, tel qu'ils sont organisés en 1917, c'est le début du verticalisme. Et ça ira très très vite, très vite. À partir du moment où on dit c'est la fédération des soviets qui gouverne, que cette fédération des soviets est complètement prise en main par un parti politique, ça va très vite. Quand le parti politique se donne les moyens d'avoir le pouvoir de coercition, après le coup d'état de 17, eh bien très rapidement on arrive à la réaction léniniste puis stalinienne. On arrive à la liquidation des anarchistes en mars 1918, à la liquidation du parti socialiste révolutionnaire en juillet 1918. C'est très vite, c'est même pas un an. À même pas un an, la Russie, qui est la république des soviets, elle liquide tous les autres partis révolutionnaires. Et donc les soviets ne sont plus influencés que par un seul parti. Le pouvoir appartient à un seul parti à partir de même pas un an après le coup d'État. Donc, Voline, il ne préconise pas de faire des traits d'union ou des syndicats réformistes. Il dit que les ouvriers doivent s'organiser par eux-mêmes et pratiquer le communisme. C'est-à-dire, comme la commune s'organise, s'auto-organise et prend contact avec d'autres communes pour avoir des échanges, etc. et tout, eh bien les entreprises peuvent faire de même. Il prend un exemple avec les citadins et les paysans au sujet du bois en hiver. Bon, en Russie, il fait froid, il faut se chauffer. Il y a du bois. Mais les gens vont crever de froid. Pour ceux qui ont lu le docteur Jivago, à un moment donné, il y en a qui piquent trois poutres, le mec il va en prison parce qu'il pique trois poutres. Alors que la Russie, c'est immensités de forêts. Et pourquoi ils n'ont plus de bois? Parce qu'il fallait passer par les soviets. On ne pouvait pas aller chercher tout seul son bois à la campagne. On ne pouvait pas prendre contact avec les paysans. Les gens d'un quartier ne pouvaient pas s'entendre avec les gens d'un village pour tailler le bois en été, pour avoir le bois en hiver. Non, il fallait passer par la bureaucratie soviétique. Les représentants, il y avait des représentants, ils étaient élus. Ah, ils vous représentaient. Et vous ne pouvez plus avoir de bois, vous ne pouvez plus avoir de pratique horizontale. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, revenons-en à 1905, il se passe ce mouvement spontané de grève. Alors le dimanche, là, le dimanche de janvier, c'est le massacre. Les grèves s'étendent dans tout le pays, jusqu'en Pologne. Enfin, il y a une grosse activité révolutionnaire toute l'année. Et ça se termine un peu en eau de boudin à la fin de l'année 1905. Alors quelques mesures sont prises. Je crois qu'il y a une Douma qui se fait, un Parlement. Bon, alors c'est pareil, c'est des mesures, on fait des vitrines. Or, on fait une vitrine démocratique qui ne servira strictement à rien, qui ne fera que reporter les problèmes. Là, effectivement, Voline part en exil et on arrive à sa lacune sur le mouvement anarchiste dans la période de 1905-1917. Alors moi, j'ai relevé quand même, parce que je suis curieux, et quand Voline dit entre 1905 et 1917, il ne se passe pratiquement rien en Russie, bon, c'est un peu faux. Il y a un livre ici qui traîne, c'est... comment s'appelle-t-il ? Vous avez sur Paul Avrich, les anarchistes russes. Bon, là-dedans, il ne décrit que l'activité des anarchistes russes, entre 1905 et 1917. Il y a une prolifération de groupes anarchistes importantes dans ces années-là, malgré la répression. Il y en a un groupe qui fait carrément évader en 1907 des marins du Potemkin. C'est le groupe Borisov. 109 membres du groupe Borisov sont jugés en 1909, dont 4 exécutés. Donc, contrairement à ce que dit Voline, il n'y a pas personne. Parce que quand Voline revient, on a un peu l'impression que c'est lui qui recrée le mouvement anarchiste. Bon, c'est toujours l'embêtant quand on fait une biographie. Bon, c'est un peu le défaut de l'ouvrage. À Odessa, il y en a 170 condamnés à mort. Bon, il y a un fourmillement. Il y a quand même, malgré la répression, et dans les autres partis, ça va être pareil, d'autres groupes, ça va être pareil. Alors, donc la différence qu'il y a avec avant 1825, Ces gens regroupent des individus des deux sexes. Ces gens sont de culture transversale, c'est-à-dire il y a des athées, il y a des juifs, il y a des ukrainiens, il y a des asiatiques, il y a des musulmans. Il y a strictement de tout. C'est vraiment la culture révolutionnaire dans toute son étendue qui est à l'œuvre ces années-là. Voilà. Donc il faut quand même être prudent sur l'ouvrage de Voline quand il traite de sur sa partie qu'il appelle la pause. Il n'y a pas de pause. Ça continue, mais effectivement à basse intensité. On en arrive donc comme ça à l'autre événement de cette révolution, quoi, cette révolution russe, qui est la révolution de février. Alors la révolution de février. Alors bon, les dates ça peut varier en fonction des canaux. Février, mars, octobre, novembre. La révolution de février. Voline nous dit que c'est une révolution, et je veux bien le croire. Là aussi, tout à fait spontané. Les gens ont faim, les gens en ont marre de la guerre. Ça fait 3 ans que le pays est en guerre. Saint-Pétersbourg s'appelle Petrograd. C'est le même nom, mais en russe. Et à Petrograd, les gens manifestent. Et là, on va voir quelque chose qui est caractéristique de la fin du processus révolutionnaire. On va voir que les Cosaques, alors ces fameux Cosaques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient des hommes libres, mais comme ils étaient des hommes libres qu'à moitié, ont fini par être intégrés par le tsarisme en tant que force d'élite militariste et force d'appoint de la police, qui étaient les valets du régime, quoi, à la fin, qui en tant qu'homme libre et qui avaient oublié la moitié de l'humanité, eux avaient un statut bien différent des serfs, puisque eux avaient des propriétés beaucoup plus importantes, notamment en fonction de leur hiérarchie. Et bon, ces Cosaques-là, qui sont donc les fils bien-aimés du tsar à ce moment-là, eh bien, ils refusent de charger la foule. Ça se passe au début au mois de février 1917. Et là, il se passe quelque chose comme une traînée de poudre. Les Cosaques refusent. Et l'armée commence à se joindre à la foule. Au bout de 2 ou 3 jours, il faut savoir qu'entre-temps, il y a plein de palédonie parlementaire. Alors la Douma refuse de se dissoudre, nous allons jouer à la Mirabeau, bon, on s'en fiche complètement. Les gens sont dans la rue et prennent possession de la rue, et vraiment c'est quelque chose de massif, parce que les soldats rejoignent, même les régiments de Saint-Pétersbourg, les régiments donc de la garde, vont rejoindre la foule. Il ne reste plus que quelques policiers qui essaient de s'organiser avec les mitrailleuses, les pauvres, mais ils sont de suite balayés. Et voilà, première manifestation spontanée, fin février. Et quelques jours après, le tsar abdique. Février-mars. Alors là, c'est pareil. Il va y avoir deux choses, deux vies différentes. La vie des politiciens officiels, la Douma. Alors il va y avoir une Douma qui sera de plus en plus à gauche. Alors au début, il y aura une Douma avec un prince. Après, il y aura une Douma sans prince. Après, il y aura une Douma avec des grands bourgeois. Après, il y aura une Douma avec des moyens bourgeois. Bon, on en arrivera à la Douma avec le ministère Kerensky. Bon, mais ça c'est pas le plus important. À partir du 17, j'ai envie de vous lire moi un passage qui me plaît beaucoup, que je ne sais plus où je l'ai mis. Il y a quelque chose qui se passe, qui est un élément vraiment important dans un processus révolutionnaire. Hein. Je vais vous le citer. Parce que, alors il faut savoir que l'ouvrage de Voline que j'ai en main, il a été écrit, il a été refait, parce qu'on a retrouvé les conclusions. Dommage. Ah si, je vais vous le trouver. On a trouvé des conclusions après sa mort. Donc ce sont des conclusions qui ont été éditées par les éditions Belfort à titre tout à fait posthume, 30 ans après sa mort. Alors voilà ce que nous dit Voline concernant l'ambiance en Russie avant octobre. On s'imagine par exemple difficilement à quel point les individus et les ensembles de millions d'individus, la Russie c'est le plus grand territoire, les masses changent au moment d'une grande révolution, changent sous l'influence directe des événements. Un élan sublime, un enthousiasme incomparable s'empare des uns des autres. L'espoir d'une grande rénovation sociale donne des ailes aux millions d'hommes. Il les incite à une activité collective, humaine, généreuse. Leur conscience de la cause évolue précipitamment. Les choses vont très vite. On sent nettement à ce moment-là que l'humanité possède des réserves immenses et insoupçonnées de ce qui est bon, positif, créateur, vraiment humain. On sent que les circonstances favorables, une ambiance avantageuse, pourraient donner à cet élan une impulsion et une orientation définitive vers une activité positive. féconde et débordante. Les individus sont prêts à devenir des hommes, le troupeau à se transformer en communauté consciente, il faut trouver le bon chemin, les vrais moyens, il faut créer l'ambiance. À partir de février 17, qu'est-ce que ça veut dire cette ambiance? Les ouvriers reprennent les usines, on appelle ça le contrôle ouvrier, les paysans surtout reprennent les terres, les soldats rentrent du front, si le général se met en travers, il lui tire une balle dans la tête, terminé, on s'organise entre nous, il n'y a plus rien à voir. Malheureusement, il y en a qui veulent absolument donner une direction à tout ça. Ils ne veulent pas que la liberté arrive au bout de ses capacités. Parce qu'entre février et octobre, tout le monde s'exprime. On n'a pas interdit rien du tout. Voilà. Il y a les monarchistes, il y a le truc. Il y a la liberté. La peine de mort est abolie, la liberté de la presse est rétablie. Point dans la ligne. De toute façon, les monarchistes, ils sont submergés. Ça ne compte pas. Et ce sont les masses qui, partout, un peu partout, s'organisent à la base et font leur commune, font leur occupation et échangent. Et les gens mangent, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Ils ont commencé février et en octobre, ils sont encore vivants. Ça veut dire que pendant 10 mois, 12 mois, ça se passait pas trop mal. Ils n'étaient pas trop maigres encore, puisqu'ils ont pu faire la révolution en octobre. La révolution en octobre, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un coup d'État qui est organisé par le parti bolchevique. C'est un putsch. On revient, on est passé de la conspiration à l'organisation, on va de l'organisation à la révolution, et tout d'un coup on revient à la conspiration. Effectivement, on va me dire, si le coup d'État de 17 par les bolcheviques il est réussi, c'est parce qu'aussi ils ont l'accord des masses. Les gens sont d'accord pour en finir avec la Douma. C'est même un anarchiste qui va un peu plus tard fermer l'Assemblée constituante. Bien sûr qu'on s'en fiche du palais machin, du palais d'hiver. Mais à partir de 17, les choses vont changer. À partir d'octobre 17, les choses vont changer. Très rapidement, par exemple, le comité militaire qui est à l'origine du coup d'État, hein, je crois que c'est Dzerzhinsky qui le commande, eh bien, ça va être l'embryon, un peu plus tard, de la Tcheka, qui va très vite arriver. La Tcheka, premier truc, lutter contre la grève des fonctionnaires. Voilà. Donc c'est cette réaction-là qui se met en place très rapidement. Vouline nous dira, la politique tue la révolution. Il le répète à longueur de. Il faut la liberté. Il faut que les masses révolutionnaires aient le temps d'exprimer leurs capacités. Il faut que tout ça s'organise. Et le politique n'a rien à voir là-dedans. Il faut que les gens arrivent à tout ça. Les soviets, quant à eux, qui sont organisés pyramidalement à partir de 17, sont la proie des politiciens et s'opposent très rapidement à l'organisation horizontale. La République des soviets devient une dictature. Ça va très vite. C'est réglé. Voilà, je sais pas si je fais combien. Je pense que y a de quoi. Eh, je pense que vous avez de quoi discuter. Je vous laisse la parole. Ça me permettra de ne pas être trop long, bon, entre guillemets. Mais donc, il y a des choses que Voline voit, et puis il y a des choses qu'il ne voit pas et qu'il ne dit pas, bizarrement. C'est vrai que souvent, et il a eu une action, enfin, je trouve la plupart du temps, qui était enfin, une attitude qui est souvent exemplaire dans, dans les combats qu'il y a eu. En tout cas, ce que, en le lisant, c'est ce qu'on ressent. Et, bon, et sur ce que je sais de Voline, je pense que c'est vrai. Mais c'est vrai que dans son ouvrage, il y a un certain nombre de choses qu'il n'aborde pas. D'abord, sur un élément, le premier élément est qu'aborde en même temps l'exposé qui cherche au fond quelle est l'origine de la révolution en Russie, qui essaie de savoir quand est-ce qu'à quand on peut voir les origines de, j'ai envie de dire, des révoltes qui mènent effectivement à la révolution. Bon, c'est vrai que Voline fait partir de l'affaire des décabristes de 1825. Bon. Personnellement, je crois qu'il faut distinguer deux choses. C'est que des révoltes, j'ai eu au cours de l'histoire, dans bien, bien des pays, il y en a eu beaucoup. Et ces révoltes-là, on le sait, ne menaient pas à une société qui était une société, j'allais dire, de liberté pour tout le monde. Bon, pour, entre guillemets, nous rassembler sur l'idée qu'on a de la société future à venir. Bon, on sait qu'il y a eu des révolutions en Angleterre qui ont mis, petit à petit, qui ont installé une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qui ont mis à bas l'ancien régime aristocratique et qui ont installé la bourgeoisie au pouvoir. La Révolution française a installé la bourgeoisie au pouvoir et a mis à bas la vieille monarchie absolue, enfin, qui s'était créée au fur et à mesure des siècles. Je ne reviens pas là-dessus, je ne vais pas me détailler là-dessus, mais qui aboutit effectivement à la mise en place d'un régime d'oppression qui n'avait rien à envier au régime d'oppression qui le précédait. Et fondamentalement, des révoltes comme celle-là, dans toute une série de pays, et y compris en Russie, il y en avait. Je pense, enfin, personnellement, que la révolte des décabristes et aussi certainement les autres révoltes que tu as mentionnées sont des révoltes à un moment donné de classe sociale qui effectivement sont tout à fait mécontentes. Et peut-être que la révolte des décabristes, il y a un petit peu, j'ai envie de dire, la force, en tout cas c'est ce que fait penser Voline, à tort ou à raison, mais qui a un petit peu l'idéologie de la Révolution française qui pousse derrière, bon, admettons. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que ce soit ça qui soit à l'origine, effectivement, du mouvement ouvrier des révolutions de 1905 et 1917. Ce que moi je trouve étonnant, moi, dans le livre de Voline, c'est qu'effectivement, toutes les luttes dont parle Rosa Luxembourg, puisque vous avez fait effectivement un exposé, enfin une réunion dessus, à partir du début des années 1890, et qui vont petit à petit forger, j'ai envie de dire, permettre à la classe aux ouvriers russes de comprendre et de se donner des acquis, une compréhension, une capacité de lutte, Voline n'en parle pas dans son bouquin. Mais rien du tout. Zéro. Or, personnellement, je pense que c'est à travers ces luttes-là, et non pas les décabristes, et non pas les cosaques à une autre époque, c'est à travers ces luttes-là qu'il faut voir effectivement comment se sont développées la capacité de lutter des ouvriers russes qui va mener effectivement à 1905, qui va mener, je veux dire, au dimanche rouge. Mais bon, derrière ce dimanche rouge, il y a toute une tradition qui est déjà installée, ce que dit Rosa Luxembourg, et franchement, je pense qu'elle a raison. Je suis très étonné qu'il n'en parle pas du tout. Et elle est là, ça c'est une première origine. C'est cette tradition-là que, effectivement, le tsarisme a plus ou moins compris, et qu'il veut essayer d'encadrer avec le pape Capone, et qu'il y a, et bien sûr, il n'y arrive pas, et finalement, bon, ça aboutit à cette, faut le reconnaître, enfin, faut le dire, et Voline le dit bien, le dimanche rouge, c'est un immense carnage. Bon, c'est des trains entiers qui partiront après de Saint-Pétersbourg chargés de cadavres. Bon, ça, je pense que c'est important. Là, on a le mouvement ouvrier. Et 1905 est l'aboutissement de l'histoire du mouvement ouvrier. Ça, je crois que ça, c'est un des points que je voulais souligner. Et distinguer un mouvement ouvrier qui se construit, d'autres mouvements dans l'histoire qui ont été porteurs de son disant, des porteurs qui ont été peut-être positifs pour l'histoire, mais qui sont autre chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la question effectivement soviétique et syndicat. Bon, Voline raconte très bien comment avec, surtout avec notre, je ne me souviens plus le nom maintenant, il a été à l'origine du soviet de Petrograd. Et bon, là aussi, je le crois tout à fait dans ce qu'il dit. Il raconte les faits, et c'est clairement dit, et c'est bon, et c'est bien. Le problème qu'il y a, c'est que, effectivement, il se crée, et il est un peu à l'origine, je pense, du soviet de Petrograd, dont il va refuser, effectivement, la présidence, mais là où je pense, enfin, bon, je peux toujours me dire que je me trompe, dans les faits, factuellement, mais là où je pense qu'il me trompe, c'est que c'est faux de dire que c'est le soviet de Petrograd qui est le premier soviet en Russie en 1905. Ça, c'est une erreur. Alors, il y a dans le... je ne me souviens pas de l'auteur que je cherche depuis tout à l'heure dans ma tête, mais ça ne me reviendra pas, c'est clair maintenant. Dans un livre qui s'appelle « Les soviets en Russie », il est bien montré que le premier, entre guillemets, soviet se crée dans une région industrielle qui est à côté de Moscou, qui s'appelle Ivano-Voznesensk. Et, bon, d'ailleurs, Voline parle à un moment donné de cette région. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on comprend l'originalité du soviet, d'après moi. Qu'est-ce qui se passe? L'ensemble même des ouvriers sont en lutte. L'ensemble de la ville est en grève. Tout est paralysé. Mais il faut vivre. Et vivre, ça veut dire quoi? Mais il faut organiser l'approvisionnement. Il faut organiser la production de ce qui est nécessaire à la vie de la ville. Il faut... Sinon, la lutte, elle va crever, parce que ceux qui luttent vont eux-mêmes crever. Enfin, ils vont crever là-dedans, ils vont crever de faim. Donc, au fond, ça veut dire qu'effectivement, on va organiser la société pour la lutte. Autrement dit, dans la création du soviet, c'est-à-dire du conseil, il y a la question du pouvoir, entre guillemets, là, sur la ville qui est posée. Bon, alors, peut-être que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez pas le mot « pouvoir », mais il y a la question, effectivement, de qui c'est qui organise, de qui a le pouvoir sur la ville. Et là, c'est effectivement la classe ouvrière qui se donne, qui tend, j'allais dire spontanément, à prendre l'organisation de la société à son compte. Alors, c'est évident qu'on ne peut pas prendre seulement l'organisation de la société à son compte dans une ville, parce qu'effectivement, ça ne suffira pas. Quoi. Les matières premières pour produire, elles ne seront pas forcément dans la ville. Et ce que produit la ville, on ne produira pas simplement pour les habitants de la ville. Donc fondamentalement, c'est au niveau d'une unité de la société beaucoup plus large que la question va se poser. Et cette unité, ce pouvoir au niveau de la société à un niveau beaucoup plus large, c'est vrai que si à Ivano-Voznesensk, bon, c'est pas posé, c'est resté, ça reste dans le cadre de la ville. C'est évident que lorsque le soviet de Petrograd va apparaître, effectivement, là c'est vrai que c'est posé comme l'organe de pouvoir, fondamentalement, qui est concurrent à l'autre pouvoir en Russie. Et c'est en ce sens, c'est-à-dire effectivement organiser la lutte, organiser le ravitaillement, et donc si organiser le ravitaillement, c'est organiser la production, c'est tout ça que ça veut dire. Bon. Et c'est différent des syndicats. C'est différent des syndicats. Un syndicat, c'est fondamentalement un organe de revendication. C'est pas l'organe d'organisation de la société. En ce sens, c'est deux éléments qui sont... Et c'est vrai que je pense que Voline ne le voit pas. Que Voline ne voit pas ça. Ce sont des organes qui sont fondamentalement différents. Alors, bon, ensuite, effectivement, Voline rejette le soviet, assiste, on y reviendra après, sur c'est un organe qui va être le jeu des partis. Bon, je ne veux pas intervenir trop longuement maintenant, parce que je ne veux pas trop prendre de temps, mais ce que je voulais poser, c'est ça, il me semble que c'est, et je le fais, c'est mon dernier mot, que c'est bien, parce qu'effectivement, en 1905, au fond, j'ai envie de dire, l'ensemble même de, disons, des travailleurs, des ouvriers, ont senti, ont compris que, au fond, ben oui, c'est, les soviets, ça voulait dire que, eh bien, on allait maîtriser la société pour nous-mêmes, qu'en février 17, immédiatement, spontanément, dès que ça éclate, on dit, on va recréer les soviets. Parce qu'ils avaient cette mémoire-là. Avant 1905, Voline est silencieux. Alors, je ne sais pas s'il est silencieux parce qu'il n'y a rien à dire ou s'il est silencieux parce qu'il oublie des choses. Mais pour lui, il y a l'émergence. Il insiste sur le fait que c'est spontané. 1905, le soviet, c'est les grèves de 1905 sont spontanées. Et au départ, empreintes d'une certaine naïveté politique, puisque le départ de tout ça, c'est quand même l'affaire de Gapone. Donc effectivement, il ne cite pas ce que tu cites. Mais est-ce que ça a une importance capitale pour Wolin? Je pense pas. Pour Wolin, l'important, c'est le fait que... Non, pour Wolin, hein, c'est que les gens se regroupent massivement, que c'est vraiment... À partir de, parce qu'en 1905, je sais pas où vous avez vu des grèves de masse massives sur l'Empire russe, hein, massives, hein, sur tout le territoire. Je sais pas où, mais enfin bon, j'ai pas lu que Wolin, justement, pour... Oui, mais c'était en Pologne plutôt, c'était après 1905. Non. Non. En quelle année? Aussi. En quelle année? À partir de 1990 à peu près, elle part. 1800. À partir de 1890. Elle parle beaucoup de 1905 aussi, je pense. Non, mais il y a tout ça qui... Oui, mais oui, c'est surtout 1905, parce que c'est les centres industriels sur la Russie sont pas tellement nombreux. Bon, enfin, c'est pas tellement important. La question importante, c'est la question du pouvoir. C'est la question du pouvoir. Moi, je crois qu'il y a deux... Et Wolin l'aborde, par contre, ça. Il dit les bolcheviques veulent organiser leur pouvoir. Ils ne veulent pas organiser la révolution. Parce que toi, ce que tu dis, c'est oui, on organise la révolution. C'est-à-dire, on vit ensemble avec des bases politiques, avec des bases économiques, sociales et culturelles différentes. La base politique, c'est il n'y a plus de coercition. Pour nous, c'est il n'y a plus de coercition. C'est-à-dire, il n'y a plus de pouvoir de coercition. Pour nous. Après, pour les autres, ils veulent rétablir la peine de mort, ils vont mettre le goulag. Bon, pour nous, il n'y a pas, politiquement, il ne peut pas y avoir un pouvoir faire, oui, mais un pouvoir de domination, non. Et ça, Wolin, il est très clair. La révolution, c'est un change de base. Plus de coercition, la liberté, plus d'exploitation, hein, plus de profit, la solidarité, la commune. Voilà. C'est-à-dire que Wolin, lui, il dit c'est un tout. C'est un tout. Et à partir du moment où on met un peu de coercition, et c'est là effectivement qu'il y a le. Où on met un peu de coercition parce que il faut le pouvoir, parce que si, parce qu'on confond le pouvoir de domination sur le pouvoir faire, eh bien on recrée ce fameux pouvoir. Et là je vous cite donc Wolin concernant le pouvoir. Le pouvoir n'est jamais une boule de sable qui se désagrège à force d'être roulée. C'est toujours une boule de neige qui, roulée, ne fait qu'augmenter de volume. Et c'est là qu'est la difficulté. Oui, moi, voilà, le soviet, l'assemblée, oui, on s'organise horizontalement. Mais à partir du moment où, effectivement, on commence à poser qui a le pouvoir sur la vie, et qu'on ne spécifie pas qu'est-ce que ça veut dire avoir le pouvoir, c'est quoi? C'est interdire aux autres de s'exprimer quoi? C'est, voilà, il faut vraiment définir maintenant qu'est-ce qu'on entend par le mot pouvoir. Voilà. Moi, je ne veux pas être un impuissant, si c'est ça qu'on veut dire. Hein. Mais je ne veux pas non plus être quelqu'un qui impose aux autres. Voilà. Entre l'impuissance et la domination, il y a peut-être un juste milieu. Voilà, la question, elle est là, quoi. Bon, c'est bon. Oui, salut tout ce qu'a fait le camarade, mais je ne vais pas pouvoir reprendre directement sur des éléments comme ça. Il m'a semblé qu'il y a eu beaucoup de choses et qui n'étaient pas forcément... axes que je voyais dans la révolution inconnue, et moi je voudrais d'abord poser en premier ce que représente dans son ensemble ce livre, et sur lequel l'auteur lui-même, Wolin, insiste quand même beaucoup. Il n'appelle pas l'histoire de la révolution russe ou les 10 jours qui vont lire le monde ou d'autres très bons livres qui sont à lire sur la période aussi. Donc, pour les citer, Trotsky et Bjornoy, il l'appelle la révolution inconnue. Fondamentalement, ce qu'il veut faire, dans un mouvement qui est celui de beaucoup de révolutionnaires de cette période-là, c'est essayer de tirer un bilan de la plus grande expérience révolutionnaire qu'a connue jusque-là le prolétariat, et de donner les éléments, alors lui il dit souvent des éléments factuels qui peuvent être plus ou moins connus à l'époque, etc., mais aussi des éléments de théorie, des éléments de compréhension, des éléments d'analyse, qui se penchent sur un élément, sur quelque chose qui se dresse devant lui à son époque de façon absolument monumentale, mais quelque part qui se dresse toujours devant nous, qui est la contre-révolution russe. Et comment comprendre que cette plus grande expérience du prolétariat se soit transformée en la plus grande défaite du prolétariat et qu'elle ait en quelque sorte oblitéré la lutte du prolétariat pour les décennies et les décennies et les décennies qu'on suit. Fondamentalement, c'est ça que veut faire. Il veut donner les éléments de son point de vue, avec des expériences vécues, avec ce qu'il a pu comprendre, avec ce que son bagage théorique aussi lui apportait. Et de ce point de vue, franchement, Voline, c'est du moins, je ne sais pas si je peux dire ça sans fâcher, mais c'est vraiment le meilleur de ce qu'apporte l'anarchisme sur la question, sur la capacité à mettre les problèmes sur la table, à les poser souvent de façon contradictoire, à voir les contradictions à l'œuvre dans l'histoire, à saisir les choses dans leur rapport dialectique souvent. C'est pas spécialement un livre que j'aurais pensé à recommander, ça sera le cas maintenant. c'est vrai que pour moi, il me semble que le fond du débat, effectivement, il porte sur cette idée qui sous-tend toute l'œuvre, qui est dans quelle mesure, finalement, l'émancipation du prolétariat et l'œuvre du prolétariat lui-même, dans son activité réelle, pratique et consciente, c'est-à-dire en permanence, effectivement, comment dans ce contexte-là va se poser la question du rôle des partis, comment va se poser la question de l'auto-organisation du prolétariat, des rapports entre ces groupes-là et les partis, comment se posera la question ou pas du pouvoir d'État, etc. Et là-dessus, il est de sa génération et il pose des problèmes, et quelque part on peut dire que tous les problèmes qu'ont posé cette génération, que ça soit Voline au travers de la révolution inconnue ou Bilan au travers des grands articles que la gauche communiste a fait paraître dans la revue Bilan, ou tous les problèmes qu'ont essayé de développer les GIK en Allemagne et en Hollande dans les fin des années 20 et les années 30, participent de ce même processus d'essayer de clarifier pour les générations futures la compréhension de la contre-révolution. Il y a des points sur lesquels je reviendrai, mais ça, c'était le cadrage général. Ça relativise effectivement les lacunes qu'il peut y avoir dans le livre. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le camarade du CCI. On a très envie de remettre toute l'histoire. Alors, le camarade l'a balayé vite, c'est pas. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que finalement, on n'aurait pas grand-chose à se dire là-dessus ou à le discuter de façon politique ou autre, mais sur le développement industriel, sur la formation du prolétariat, sur quand même ce que dit Voline, c'est pas simplement oh oui, il y a les idées marxistes qui arrivent là-dessus, il est très positif et il admet bien qu'à partir des années 80, c'est ça qui structure la réflexion dans le mouvement ouvrier et dans les cercles intellectuels, hein, et bien au-delà de la classe ouvrière, et que c'est cette question. Que la question se pose pour le développement aussi, mais se pose aussi dans ses connexions avec le mouvement ouvrier international, que Voline n'aborde finalement que d'un point de vue critique à partir de la révolution russe de 1917, hein, les trois vers après de la question de Brest-Litovsk, etc., mais qu'il aborde peu avant. Voilà, bon, on peut toujours lui faire ces restrictions-là, ça peut être les limitations de l'auteur sur tel ou tel aspect, mais je crois que c'est vraiment pas ça le fond de son argumentation. Alors de ce point de vue là, on peut dire tout de suite quelque chose, hein, sur les soviets, c'est à dire que Voline sur les soviets et surtout le camarade dans son exposé, on a l'impression finalement qu'ils reprennent à leur compte une bonne partie de la propagande soviétique sur les soviets. Et que, en gros, ils font des soviets l'organisme de la liquidation de la révolution, alors que c'est la liquidation de la révolution qui anéantit les soviets. Et il y a une espèce de profession de foi, effectivement, de Voline qui est serviette, ça ne servira pas à ça, ou qui même, qui trouve de très dur, de très fort, dit ce n'est pas un organisme de classe. Non. Alors, ce qui est excellent, c'est que c'est totalement contradictoire avec ce qu'il nous dit des soviets en 1905 et ce qu'il nous dira des soviets qui continuent de se battre en Russie contre éventuellement le pouvoir bolchevique et au premier rang desquels le soviet de Petrograd. Donc quelque part il a ce discours-là à un moment donné et par ailleurs il va montrer qu'il y a une vie ouvrière dans les soviets. Et pourquoi? Mais parce qu'il ne faut pas se faire une montagne non plus de la question. Il aborde des sujets qui sont ceux aussi qu'a repris le camarade en prenant l'exemple donné par Oscar Antweiler, puisqu'il cherchait le nom, sur Ivanovo, où effectivement c'est sous l'influence même, surtout par Menchevik, etc., que se forme le soviet dans cette ville. Mais c'est tous les aspects de saisir en main. Toutes les relations sociales, tout ce qui fait la vie réelle, on serait tenté de dire de nos jours, on parle de vie virtuelle, quoi. De toute la vie réelle, c'est déjà ce qu'il dit quelque part aussi quand il parle même des unions de la bourgeoisie à Petrograd en 1905. Il faut s'organiser, il faut assurer le ravitaillement, tous ces aspects-là. Alors ça va être les soviets, ça va être les communautés d'usines, ça va être les communautés de quartier, ça va être toutes les formes d'organisation dont va se doter la classe ouvrière pour se ressaisir de la vie publique, de sa propre vie, assurer sa survie, etc., etc. Et donc ça, c'est pas du tout antinomique avec tout ce que peut défendre Voline par ailleurs. Ce qu'il voit, et comme toi tu l'as fait dans l'exposé, à mon avis, c'est un retournement où on ne voit pas le lien entre les deux. C'est de dire, bon, puisque ça s'appelle République des Soviets, c'est que quelque part, les Soviets ont été à l'œuvre d'un processus contre-révolutionnaire. Non, c'est le processus contre-révolutionnaire qui lamine totalement les Soviets. Et parce que les Soviets, effectivement, et là on peut discuter un peu précisément du rôle des bolcheviks là-dedans, effectivement, vont être dépossédés, pour le coup, de tout pouvoir réel. Mais ça, c'est les questions qu'on prend après, et je vais parler de... Oui, moi je voudrais revenir sur le point que tu disais tout à l'heure. Par rapport à. J'ai l'impression que tu justifiais le pouvoir. Tu disais que dans cette ville qui était en grève, pour qu'elle puisse se nourrir, que les gens puissent se nourrir, pour que la génération productrice et productive et distributive, il fallait pouvoir organiser la production. Disait, il l'a dit, mais je n'ai pas compris pourquoi ça devenait, dans ton propos en tout cas, une obligation, qu'il fallait pour organiser la production, forcément qu'il y ait un pouvoir. Alors, là, le copain, il revient sur une précision du mot pouvoir. C'est-à-dire, de quel pouvoir toi tu parles? Moi, j'ai l'impression dans ton propos, mais tu ne l'as pas précisé, j'aimerais bien que tu le précises parce que c'est quand même le débat de ce soir, c'est les apports, les erreurs du passé pour l'avenir, quoi. J'aimerais bien que tu reviennes si le pouvoir dont tu parles, c'est le pouvoir sûr, justement, le pouvoir de domination auquel il a fait allusion, plutôt que le pouvoir faire. Parce que pour pouvoir organiser la production, j'ai l'impression que toi, tu dis bah, il faut forcément qu'il y ait une centralisation. Et donc, et que ça ne peut pas se faire justement de manière horizontale. J'ai l'impression, mais parce que tu n'as pas été plus loin, tu as juste donné une conclusion qui était la tienne, mais tu n'as pas expliqué pourquoi ce serait fatalement centralisé la production. Et en même temps, si c'est le cas, nous, effectivement, enfin, nous, en tant qu'anard, effectivement, le pouvoir sûr, ça dérange profondément. Évidemment, si c'est posé comme une fatalité, une nécessité, ça dérange beaucoup. C'est même meurtrier au bout d'un moment. Et c'est en même temps, si c'est le cas, nier cette capacité horizontale d'organiser la production, c'est en même temps nier totalement le communisme libertaire. Ça dérange vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà, moi je suis pas d'accord sur le fait, puisque je suis pas un érudit, donc j'ai pas lu ces bouquins, si tu veux, mais moi je trouve que justement avec l'exemple du bois là, avec l'exemple des. Il fallait de manière bureaucratique passer systématiquement par les représentants, et ben il a pris un bon exemple. Moi je connais pas, j'ai pas lu, donc je n'ai pas vécu là-bas à ce moment-là, donc je ne sais pas exactement comment ça se passait sur le terrain, mais il me semble qu'en tout cas l'exemple du bois où il fallait systématiquement passer par les représentants du soviet, eh ben, c'est un très bon exemple pour montrer, et d'ailleurs ça a été dit par le copain en revanche, que c'était déjà un mauvais départ, que c'était déjà le début du centralisme et du verticalisme. Et ça pour nous c'est des concepts qui sont très dérangeants effectivement, parce que nous on est communistes libertaires. Donc moi j'habite dans un village, il y a une maison de retraite, il y a une conserverie, il n'y a pas grand chose, mais je sais très bien que toutes les entités productrices, quoi, économiquement parlant, et d'ailleurs c'est pas que économique hein, la révolution, mais en tout cas, elles peuvent très bien fonctionner dans ce village-là, en l'occurrence, sans centralisme, sans bureaucratisme, etc. etc. Donc, toi, tu as été rapide. Moi, je trouve que c'est un des points essentiels de la rencontre de ce soir. Ouais, moi, c'est pour faire une petite remarque là, avant la rue ce soir. J'ai essayé de dire beaucoup, pas terminé, mais qui me semblait assez intéressant, qui s'appelle Les Soviets communistes démocratiques de Ferrault. Voilà, super. Où dedans il fait une distinction, notamment sur la notion de soviet, entre le soviet de Petrograd, dont il décrit le mécanisme de direction et de formation, à savoir que le soviet de Petrograd, je crois quasiment dès le début, je ne me souviens pas parce que je suis en train de le lire, hein, mais quasiment dès le début, sont nommés à la direction de soviet. De droit de membres de chacun des partis socialistes. Donc des gens qui ne sont pas forcément liés, c'est ce qu'il appelle aussi de bureaucratisation par en haut, qui est déjà à l'œuvre dès le début du soviet. Et il oppose à ce type de soviet-là, donc bureaucratisé dès le départ, les assemblées générales d'usines, alors c'est ce qu'on appelle les comités d'usines qui vont prendre le nom de soviet, et d'autres institutions. Qualifient d'autonomes, à savoir la garde rouge, les comités de quartier, qui eux cherchent à éviter l'influence des partis politiques et même se retrouvent à lutter contre et les partis politiques et contre le soviet de Petrograd à ce moment-là. C'est-à-dire que on peut, là tu as abordé cette question des soviets, je pense qu'il faut aussi à un moment donné faire vraiment une distinction entre des soviets qui émanent réellement de la base et qui restent contrôlés par la base. Et une entité qui se bureaucratise, qui finit par devenir une sorte de Douma bis, dans laquelle les ouvriers, les militaires, parce que les soviets, les députés, ouvriers, les paysans, n'ont finalement plus grand chose à dire, où ce sont les partis politiques qui font leur multibac. Donc, voir entre ces deux types d'institutions, qui, même si elles ont le même nom, sont quand même, à mon avis, fondamentalement différentes. Une peut plus se rapprocher à un organisme de classe de type, on va dire, syndical, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il faut, tel que le revendique Voline, à savoir un organisme fondé sur la classe dans l'entreprise et qui s'occupe de problématiques directes, mais qui tend aussi à dépasser ces problématiques directes-là, et un organisme représentatif, effectivement, qui est le soviet de Petrograd, qui, lui, se coupe de la base et finit par devenir un organisme autoritaire. Je voudrais revenir bon, simplement aller pour dire la position de Voline, c'est pas la mienne. Moi, j'expliquais la. Lui, il a vécu les soviets. Il a été dedans. Nous, on le voit un peu après, bon, on voit les bouquins, tout ça, mais moi, je pense que lui, ce qu'il a ressenti, c'est. Il a ressenti. Il le dit, c'est un mouvement spontané. Moi, pour résumer, je résume son propos. Les gens, spontanément, font la révolution, mais ils ne sont pas préparés, peut-être, à s'auto-organiser. Il leur faut un certain temps. C'est-à-dire que pour qu'on se mette en place toute cette auto-organisation, il faut la liberté, ça le dit quand même plusieurs fois, il faut que ça fleurisse, que ça s'épanouisse, et c'est le temps de la maturation en fait. Et ce qui reproche quelque part aux leaders des partis, hein, c'est d'avoir coupé cette maturation en donnant de suite des orientations comme ça, rigides. Voilà, on va faire des trucs, des organismes représentatifs, des machins, on va prendre le pouvoir. Le schéma politicien pur s'est opposé quelque part à la maturation du processus révolutionnaire, qui n'est peut-être pas arrivé jusqu'au bout. Tu as évoqué la paix de Brest-Litovsk. Ben, c'est pareil, les politiciens n'ont pas fait confiance aux capacités révolutionnaires des masses. La position initiale, c'était ne pas faire la guerre et ne pas signer la paix. c'était déserté, défaitisme révolutionnaire, fraternisation entre toutes les troupes et guérilla s'il fallait. C'était, c'était la guerre idéologique et révolutionnaire. C'était pas du tout la paix en concédant des territoires aux puissances impérialistes, à l'empereur Guillaume, etc. et tout. Tout ça pourquoi ? Ça c'est Lénine qui fait signer la paix. Ça va vite, hein ? C'est juste quelques mois après le coup d'octobre. Hein. Tout ça pourquoi ? Parce que fondamentalement, Gouline lui fait confiance aux masses. Mais il dit il faut du temps. Il faut du temps. Lénine ne fait pas confiance. Il coupe tout. Et quand on parle de processus contre-révolutionnaire, ce processus il est de suite mis en face. Quand on dit de toute façon on prend des mesures, les paysans prennent la terre, mais on signe avec les propriétaires allemands que la terre, compris les paysans russes, finalement, si l'allemand est propriétaire, et bien ils peuvent la récupérer. Pareil pour les usines, c'est ça qui est signé. C'est que les ressortissants allemands, les propriétaires terriens allemands, les capitalistes allemands, ont un droit de regard sur ce qui se passe sur leur propriété, sur le territoire russe. C'est ça qui est signé. C'est ce qui est expliqué dans la brochure sur l'histoire russe. Je ne l'ai pas amené, qui contestait le traité de paix. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Bon, donc lui Vouline, il le vit, ça. On sent une petite déception. Il se dit, putain, ils ne sont pas encore vraiment prêts. Et lui, il est à Petrograd. C'est-à-dire, là, la capitale, c'est vrai que tu as raison de soulever le truc, parce que ce qui se passe à Petrograd, c'est quand même fondamental. Petrograd, c'est la capitale, voilà, c'est comme ça, il y a ce prégnance de la capitale, effectivement. Si à Petrograd, il y a une direction comme ça, politicienne, les autres soviets vont être étouffés. Et on est toujours dans un schéma un peu comme ça, pour l'instant. Et voilà, donc, moi, c'est vrai qu'il faut spécifier quand même que Petrograd, c'est de l'industrie, c'est beaucoup de monde. Il y a le port de Constad, il est juste à côté. C'est pas le port, quoi. Ça, c'est la forteresse qui défend l'entrée au port. Donc, il y a une réserve là, révolutionnaire énorme. Et ceux qui prennent la direction de Petrograd, bien, ils ont quand même des atouts en main. Et quand Trotsky prend la présidence en 1905 et quand les bolcheviks prennent le coup d'État, eh bien, ils prennent en main quand même le pouvoir de coercition. Et le pire, c'est qu'ils s'en servent très vite. Et là, c'est ce que reproche quand même Bouline. Il dit, c'est dommage, hein, les choses auraient pu... les gens avaient, il le dit à la fin, les gens ont les moyens, ont les capacités. Et la grande différence entre les marxistes, léninistes, purs, hein, je vais dire, parce que je ne parle pas des opposants, etc., et les anarchistes, c'est que les uns ne pensent pas que les gens sont capables de s'auto-organiser, c'est les politiciens, et les anarchistes disent, oui, ils peuvent s'auto-organiser, c'est déjà bien, voilà. Alors il y a autre chose. Parce que quand on parle quand même de processus révolutionnaire, c'est quand même fantastique que le peuple habitant en Russie, les peuples là-bas, ils aient pu se soulever, alors que pendant des siècles, ils ont subi une domination culturelle énorme. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà énorme. Parce que vous avez beau me dire, ouais, mais en 1880, il y avait déjà eu des grèves. Bon, d'accord, on va admettre. Mais quand même, pendant des siècles, ils ont subi une oppression religieuse, culturelle, étatique. Ils étaient. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand on dit maintenant les gens regardent la télé, ils sont abrutis. Mais ça ne veut rien dire. On peut être abruti pendant des siècles, et du jour au lendemain, c'est ce qui s'est passé en Russie. Ils ont regardé la télé pendant des siècles, et puis tout d'un coup, paf, en l'espace de 20 ans. Qu'est-ce que c'est 20 ans? C'est rien. Ouais, mais même, ils avaient le pape. Ils avaient l'église, ils mettaient les femmes dans les sacs. Voilà. Bon. Il y avait quand même des pratiques culturelles. Bizarres. Et tout ça, c'est balayé en l'espace de... C'est ça qui est vachement intéressant aussi à voir. Et c'est ça qui donne de l'optimisme. C'est qu'on se dit, bon, quand même, le pouvoir quand même fait beaucoup d'efforts pour abrutir les gens. Et il faut très peu de choses pour que ça avance, quoi. Bon, et bien, la population russe nous a montré quand même que ces années-là, eh bien, ils ont pris le dessus. Et effectivement, bon, le grand thème de Vouline, c'est l'attaque contre les partis politiques, et contre les politiciens en général, et les bolcheviks en particulier, quoi, sur l'histoire de cette même mise sur le soviet, donc de Petrograd, parce que, effectivement, moi, on ne peut pas être exhaustif dessus, c'est immense, et le grand reproche de Lénine est là, le grand regret, c'est que les gens, eh bien, lui, il ne les trouvait pas préparés, voilà, il ne les trouvait pas, bien qu'il était, c'est admirable, ça ne suffisait pas encore pour arriver à passer par-dessus, à dépasser les politiciens bolcheviks. Ils n'avaient pas le bagage encore. Ils l'ont pas eu puisqu'ils ont donné le pouvoir. C'est eux qui ont voté pour les bolcheviks. À la fin, ils ont élu les bolcheviks. Oui, je voudrais. Enfin, moi, je suis militant du CCI également. Hein. Il y a un aspect que je voudrais mettre en relief, c'est quel est l'enjeu en 1917. L'enjeu, c'est une vague révolutionnaire à l'échelle de l'Europe. Face à la guerre impérialiste, face à cette guerre que l'ensemble des prolétaires de l'Europe sont en train de vivre dans leur chair et dans leur sang. Ce n'est pas qu'une problématique des ouvriers, des masses russes, de leur processus révolutionnaire face à l'autocratie, système constitutionnel, etc. La question qui est posée en 1917, c'est la question d'un mouvement révolutionnaire à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Et ça, Pauline n'en parle quasiment pas. Il ne le voit pas. La question qui est posée, c'est comment construire un mouvement révolutionnaire qui va permettre à ce que cette révolution ne soit pas qu'une problématique russe, mais soit une problématique internationale. On sait comment l'enjeu va être celui de l'Allemagne dans ce développement. Et la construction de ce mouvement révolutionnaire, elle est tout à fait symbolisée. Cette volonté de la part de l'ensemble du prolétariat européen et des révolutionnaires, elle est symbolisée dans la construction de l'international communiste. Alors, quelles que soient les confusions des bolcheviques, et il y en a, sur la question des rapports avec l'État, du pouvoir, etc., du rapport des partis avec l'État, déjà, il y a une chose qu'on peut dire pour les bolcheviques. Leur problème n'était pas la confiscation du pouvoir pour eux. Le problème de Lénine dès 1917, c'est d'être tourné vers l'Allemagne, c'est d'encourager. C'est tout un débat qui existe avec les révolutionnaires allemands pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux, pour qu'ils soient à la hauteur de la poussée du prolétariat qui se développe, des conseils ouvriers qui se développent partout en Allemagne, et que ces conseils de l'ouvrier ne soient pas que l'organisation horizontale de la révolution ou de la production, enfin de la révolution, du processus révolutionnaire en Allemagne, mais soit la construction d'un mouvement révolutionnaire qui soit victorieux par rapport à la bourgeoisie allemande, autrement plus puissante que la bourgeoisie russe, et pour que ce ne soit pas l'organisation, la fédération de communes à l'ensemble de l'Allemagne, mais que ce soit la victoire d'un mouvement révolutionnaire à l'ensemble de l'Europe. Et là, la problématique d'organisation de ce mouvement révolutionnaire, elle est au-delà d'une vision locale, fédérative, même si elle existe, on est d'accord là-dessus. Les soviets doivent organiser la production, doivent pouvoir faire en sorte... Mais ce n'est pas que cela, et le camarade, je pense, reviendra tout à l'heure sur cette question du pouvoir. Ce n'est pas que cela. La question, c'est d'arriver à faire face, dans un rapport de force, à la bourgeoisie. Et que ce face-à-face avec la bourgeoisie permette au prolétariat d'être victorieux. Les bolcheviques attendront de façon impatiente, encourageant politiquement le développement de la révolution en Allemagne. La révolution en Allemagne va être vaincue, les bolcheviques vont être emportés dans la tourmente, vont être emportés dans la dégénérescence de la révolution russe. C'est comme ça, nous, on voit gauche communiste, la question de la révolution russe et du pouvoir en Russie. Ce n'est pas à travers la vision d'un parti qui porterait déjà dans ses gènes, dans sa existence même, la confiscation du pouvoir, la volonté de l'instauration d'une bureaucratie, la volonté de dominer les masses. C'est pas ça la question du parti. C'est pas ça la question de la révolution russe. C'est la question d'un mouvement vivant qui ne se pose pas qu'en Russie, mais qui se pose à l'ensemble de l'Europe. C'est le mouvement révolutionnaire international à l'époque. C'est cette question-là qui est posée. Et c'est dans ce cadre-là qu'on ne peut voir que cette question. Quel que soit, effectivement, ça on peut en discuter, mais c'est de là qu'il faut partir. Au-delà des confusions, des faiblesses du parti bolchevique, au-delà même des confusions et des faiblesses des communistes allemands, communistes hollandais, des communistes en Italie, des communistes en Pologne, etc. Le tout, c'est de construire un mouvement révolutionnaire qui soit à la hauteur de la nécessité de mettre fin à la bourgeoisie, pas dans une vision, encore une fois, uniquement locale et fédérative, mais une vision à l'ensemble de l'Europe, évidemment du monde ensuite, mais dans le rapport de force se situe à cette époque-là, au niveau de l'Europe, pour pouvoir faire en sorte que la révolution puisse s'engager dans un processus qui soit irréversible pour la victoire internationale du prolétariat. Ça, c'est important d'avoir cette vision-là en tête. Et Voline, il ne la voit pas. Et on ne peut pas analyser on ne peut pas faire l'analyse du mouvement de 17 en Russie sans voir l'analyse du mouvement révolutionnaire international à l'époque. Parce que c'est une contribution au débat. Il faut éviter d'avoir cette vision russe, je pourrais dire, entre guillemets. Hein. Oui, je suis d'accord avec le camarade, cette question est obligée de se poser dans sa dimension internationale et c'est bien comme ça qu'elle est la plus riche et c'est bien aussi comme ça qu'il faut intégrer tout ce que nous dit Voline, y compris de la Russie. Et quand je disais que j'avais été agréablement surpris de ce que disait Voline là-dessus, c'est que ça télescopait franchement une préoccupation que j'ai par rapport à cette. À ce mode de raisonnement sur l'analyse de la révolution russe et en tant que composante de la révolution internationale, parce que je connais bien cette façon de le présenter, et je l'ai défendu très largement, et je la défends tout à fait fort sur bien des aspects. Ça revient toujours un peu à dire, pour faire simple, mais c'est pas forcément, c'est pour faire simple, hein, c'est que ça finit par une tautologie, c'est-à-dire la contre-révolution en Russie, ou la révolution échoue en Russie parce que la révolution échoue internationalement. C'est-à-dire la révolution échoue parce que la révolution échoue. Et ça ne permet pas de saisir complètement les rapports qu'il y a, justement de comprendre la révolution russe comme un moment de la révolution internationale. Et c'est-à-dire, mais un moment pas simplement spectateur de la révolution internationale, mais dans quelle mesure, comme il est partie intégrante de la révolution internationale, dans quelle mesure sa propre révolution et dans quelle mesure les décisions qui seront prises au sein du cadre de la révolution russe, avec ou pas la volonté de s'ouvrir à l'international, avec la volonté ou pas de prendre les meilleures mesures en Russie, etc. Et là-dessus, Voline est très clair. Il dit, je ne remets absolument pas en cause la bonne volonté et la volonté des dirigeants bolcheviques, etc. C'est même, il l'insiste à plusieurs reprises, c'est même un élément de force de ma démonstration, dit-il. C'est que j'assume toujours qu'ils ont essayé de faire ces choses-là avec bonne volonté. Donc, la question qu'il pose, et moi qui essaie de travailler un peu, en particulier depuis qu'on a fait le bouquin sur l'intro à l'écopo de Rosa Luxembourg, et qui a eu une petite discussion à propos de l'introduction qu'on a fait de Michel Hover, c'est dans quelle mesure, finalement, on comprend les événements en Russie, les décisions que prennent les bolcheviks, comme partie active, en positif ou en négatif, processus révolutionnaire international. Alors, c'est pas tout à fait vrai, justement, que Voline ne pense pas à la question internationale. C'est léger, je suis d'accord. C'est léger, j'ai dit tout à l'heure, il l'évoque à propos de Brest-Litovsk. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il l'évoque à peu près dans les mêmes termes que Rosa Luxembourg, en gros, à quelque chose près. Et sinon, il dit que sur la question de qu'est-ce que voulait faire le pouvoir bolchevique, il dit. Il commit une seconde erreur. Il croyait que le sort ultérieur de la révolution russe dépendait de son extension à d'autres pays. C'est exactement le contraire qui était vrai. L'extension de la révolution à d'autres pays dépendait des résultats de la révolution russe. Ceci étant vague, incertain, les masses laborieuses à l'étranger hésitaient, attendaient des décisions, etc. Après, il y a d'autres aspects plus ou moins importants qui sont évoqués. Je pense que c'est relativement faux dans la fonction très forcée dans laquelle il le présente. Quand il dit c'est exactement le contraire. Non. Pas plus le contraire, c'est dans un sens ou l'autre. Mais il est évident que ce qu'il dit a énormément de poids, c'est-à-dire les mesures que prend le parti bolchevique, la voie dans laquelle s'engage la révolution, c'est un élément constitutif de la contre-révolution internationale. Ça, c'est tout à fait clair. Là-dessus, admettons, le camarade, du coup, arrive à des télescopages chronologiques qu'il faudrait vachement affiner pour que ça soit beaucoup plus crédible. Quand on parle, admettons, d'avoir les yeux tournés vers l'Allemagne, etc., c'est vrai. Mais la question se pose, qui conscientise cette dimension internationale? Premièrement, effectivement, essentiellement, c'est le parti bolchevique qui le présente comme ça, et là-dessus, on ne remet pas en cause leur volonté ou leur positionnement internationaliste. C'est vrai d'une partie de la classe ouvrière, etc. Ce ne sont pas en soi les mots d'ordre qui s'imposent le plus facilement dans la révolution russe ou qui vont être les plus présents dans l'année 17. Deuxièmement, quand on regarde les mesures qui sont prises, effectivement, la révolution en Allemagne, comme tout ce que tu dis sur suivre les soviets, le mouvement des conseils en Allemagne, les explosions révolutionnaires, la formation de l'internationale en mars 19, en gros, voilà, on attaque la période qui va d'octobre 18 à mars 19, la question se pose, quelle est la nature des mesures qui sont prises par les bolcheviks avant. Quand le camarade parle de la liquidation des groupes anarchistes à Moscou en mars 18, on est bien obligé de répondre à la question pourquoi les bolcheviks prennent ces mesures, pourquoi Trotsky a l'air si content de monter des commandos spéciaux pour aller saccager tous les locaux anarchistes en mars 18. Pourquoi ces questions-là se posent déjà avec une telle prégnance avant que les premiers balbutiements de la révolution internationale surgissent? Pourquoi la même chose va se passer avec les socialistes révolutionnaires de gauche, etc. Et alors là, moi, en plus, ne nous y trompons pas. Je ne dis pas ça pour jeter spécialement la pierre aux bolcheviques. Justement, c'est pour comprendre réellement la dimension internationale de ce processus. Le prolétariat a une longue histoire, une histoire faite de multiples combats, très souvent héroïques, qui leur ont coûté, contrairement à ce que disait le camarade, à un moment disait ça allait à peu près tout seul, tout ça. Non, ça en général, ça s'est pas fait tout seul. Il y a eu tout un processus, non seulement de lutte de classe, mais de réflexion, de maturation de la conscience, de la capacité à cristalliser cette conscience dans un programme politique, d'enrichir son programme, etc. Et le mouvement ouvrier international aborde la Première Guerre mondiale, et les bolcheviks parmi eux, comme les mencheviks, etc., avec un programme, une vision de la révolution, dont ils partagent des bouts avec les anarchistes ou pas, etc., mais effectivement, qui n'est pas... Qui va s'avérer, et c'est le bilan que tireront des éléments comme Boline, ou que tireront Bilan, ou que tireront Panoukouf, ou que tireront des gens comme Matic, ou Korch, après, avec effectivement des faiblesses, c'est-à-dire des points du programme qui ne pouvaient pas encore être résolus, qui n'étaient pas résolus par l'expérience du prolétariat, et sur lesquels ils vont s'enfoncer dans un certain nombre d'erreurs ou d'incompréhensions, je ne sais pas comment. Mais je vous mettrai un bémol sur la nature de ces erreurs plus tard après. Parce qu'il y en a qui sont réellement des erreurs, qui sont liées à l'incompréhension, le manque de développement du programme. Et il y en a qui sont, entre guillemets, des choses sur lesquelles les bolcheviks auraient pu s'arrêter. Mais je veux dire par là, ils avaient forcément, c'est pas que c'était dans leur gène, etc., la question du pouvoir, c'était que pour l'ensemble de la social-démocratie internationale, la question du pouvoir, en particulier du pouvoir d'État, de où se trouve la force armée, ou des choses comme ça, qui organise la société, comment elle le fait, etc., c'était pour au moins très flou, et sinon, on restait sur des conceptions qui, comme elles n'étaient pas encore celles qui allaient atteindre le mouvement ouvrier par la suite, notamment sur la base de la critique qu'il va faire de la révolution russe, il faut bien qu'elles aient une nature de classe, et cette nature de classe, c'était de porter encore tous les stigmates de l'idéologie bourgeoise. C'est pour ça que quand le camarade dit c'est comme ça que tous les courants de la gauche communiste vont avoir compris la révolution russe, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'il y en a d'autres qui vont raisonner comme ça. Alors moi, je suis vraiment absolument désolé d'avoir raté la session sur Anton Pankouf, mais typiquement, il va dire il y a des éléments qui se sont exprimés dans la révolution russe qui faisaient indubitablement partie de ce mouvement d'ensemble international, de ces poussées révolutionnaires qui vont emporter beaucoup de pays, etc. mais avec des éléments idéologiques et de programmes, etc., qui portaient encore en eux-mêmes essentiellement des références bourgeoises. Donc ça, c'est... Et l'intérêt de Bobine, en particulier dans ce bouquin, c'est si, même s'il ne le présente pas du tout comme je le présente là, hein, et, parce qu'on ne parle pas exactement du on n'a pas le même fond, hein, puis lui, c'est une expérience pratique différente, etc., mais c'est d'essayer de se dire quels sont ces éléments. Et effectivement, la vision qu'on a du pouvoir, les bolcheviques, le parti prend le pouvoir, et le pouvoir est le pouvoir d'État, est une vision fausse. Ça, c'est clair. Et là-dessus, toute la gauche communiste, une bonne partie de la gauche communiste, voilà. Donc, voilà. Donc, après, encore une fois, comme j'ai tendance à parler longtemps, je mets une petite carotte. De quelle manière il est donc tous ces organes soviet, conseil, collectif, comité de quartier, de quelle manière ils sont donc l'émanation directement des masses, qui en ont un contrôle permanent par des choses qui sont quand même, sinon facilement applicables, mais du moins reconnues théoriquement et sur lesquelles il faut travailler, le mandatement impératif, la révocabilité immédiate, ainsi que la rotation absolue. Et à ce niveau-là, la volonté bolchevique, par exemple, moi je suis d'accord avec ce que disait le copain en disant que c'est effectivement la réaction de la contre-révolution. Pourquoi ? Pas parce que les bolcheviques étaient des méchants gestateurs de toutes les GPU et de tous les goulags, mais tout simplement parce que, étant persuadé d'avoir à l'époque les meilleures réponses, et je suis content que tu aies rappelé que c'était vraiment pas le cas, à toutes les situations au niveau interne à la Russie et au niveau européen, eh bien, ils étaient persuadés d'être naturellement ceux qui avaient raison. Et ceux qui ont raison, qui sont là pour dirigent. Et de là, tout le reste, sans la réaffirmation permanente et la lutte permanente pour empêcher la constitution à aucun niveau qui soit à la base ou au niveau d'organismes qui cherchent à se fédérer, sans vraiment la lutte pour empêcher que pouvoir se constituer de façon séparée, bolchevique, pas bolchevique, on est perdu. Et la contre-révolution s'installe immédiatement. Voilà tout ce que je voulais dire. Bon, ben c'est bien, parce que c'est la synthèse, quoi. Enfin, moi, ça me convient tout à fait. Non, mais bon, je veux dire, parce que toi, ton intervention sur le point de vue du développement à l'international, tu termines en disant c'est là que se pose la question. D'accord, mais là, on est dans un débat sur les apports du passé pour le futur. Donc, on a posé le débat, on pose la question et puis on essaye de... Justement, le copain, là, il aborde justement la question avec des propositions de solutions. Le copain là-bas, il parle de maturation. Il faut laisser le temps, il faut laisser la liberté pour que la maturation puisse apporter l'auto-organisation. Comme disait le copain, c'est pas... Enfin, le copain de nous en art, là, il disait... je disais pour l'enregistrement, hein... Non, c'est plus... Ça passe sur télé, c'est ça? Non, mais c'est pour que ce soit plus clair. C'est pas une question de savoir qui sont les bons, qui sont les méchants. C'est pas une question de savoir qui a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. On s'en contrebalance de l'intention. Aujourd'hui, on est en 2009. C'est pas de savoir si parce que Lénine est un bon orateur, un bon galvanisateur de foule, etc., que... Est-ce qu'il était bon ou est-ce qu'il avait des mauvaises idées derrière, etc. Ou Trotsky, est-ce qu'il, lui, il était... bon, on peut parler de tout ça, justement, mais c'est de tout ça dont il faut parler. Mais on ne peut pas se limiter à poser la question. Parce que sinon, on aura fait un débat historique, mais on ne sera pas dans le concret. C'est-à-dire, il faut aborder, il faut rentrer dans la question. Le fait que ça passe, que l'intention ait été, à un moment donné, de faire en sorte que la révolution puisse se développer de manière macro, la Russie c'est déjà pas mal, je trouve, mais à l'international, ça ne justifie pas, à aucun moment, comme tout à l'heure ne justifiait pas l'impression que les ouvriers, que les gens du peuple ne puissent pas organiser eux-mêmes la production. Parce qu'on a l'impression, et moi je dirais même plus, parce qu'on a peur qu'ils ne puissent pas le faire. Et la peur, c'est justement ça qui nous fait passer des étapes et aller plus vite. Et c'est là où c'est quand on va plus vite que s'institue la hiérarchie, le pouvoir sûr, parce qu'on décide d'aller plus vite que la musique, quoi. Et on laisse pas la maturation, on laisse pas la liberté, on prend du pouvoir. Et moi je dis que la peur, justement, c'est peut-être ce qui fait la peur de louper, la peur de rater, ou l'organisation de la production dans l'exemple premier, pour le développement de la révolution à l'échelle internationale, etc., etc., bah, cette peur de ne pas pouvoir le faire parce qu'on pense fondamentalement, et c'est pas une question d'intention à ce moment-là, mais moi je pense qu'on se plante, que le peuple n'est pas capable de pouvoir apporter ces solutions-là, eh ben, on prend les devants, on fait une avant-garde et on prend les devants sur le peuple, et là, eh ben, on fait de la contre-révolution. Moi, je le dis avec mes mots, beaucoup moins bien que le copain qui est là, mais ça justifie à aucun moment, et c'est de ça dont on doit parler. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui puisse, à un moment donné, justifier que des humains prennent le pouvoir sur, dominent d'autres humains? Est-ce qu'il y a c'est le problème du centralisme, de la bureaucratie, c'est de ça dont on doit parler. Pas quelles étaient l'intention du bonhomme à ce moment-là, est-ce qu'il a oublié de parler de ceci ou ça. C'est important pour poser le débat, certes. Mais une fois qu'on a posé le débat, on rentre dans l'art, quoi. On rentre dans le vif du sujet. On ne va pas s'étriper maintenant, peut-être dans 10 ans quand il y aura la révolution, si on n'a pas résolu ces problèmes-là. Mais il faut les résoudre. Il faut les résoudre. Bon, moi, le copain a parlé par rapport à la peur. Moi, le copain n'a pas parlé de maturation et mon voisin parlait d'expérimentation. Ben, c'est la même chose. Il faut expérimenter, il faut les faire maturer. Et ceux qui ont peur, eh ben, on leur dit ben, vous êtes plantés en 17, vous êtes plantés plein de fois, ben, c'est bon. Quoi. Lâchez-nous la grappe avec votre peur et puis on s'auto-organise parce que voilà, ben, c'est possible. Après, c'est une question de foi pour certains. C'est ce que j'ai vu sur les notes de mon voisin. Mais c'est un autre débat. Enfin, c'est pas un autre débat, c'est pour moi un autre débat. Il copie. C'est pas une caméra, c'est un micro. Ça, c'est pas une copie. Bon, bref. Moi, je dis qu'il faut rentrer techniquement. Il faut rentrer techniquement dans le débat. Sortir de l'historique et rentrer techniquement dans le débat. Quoi. Et moi, je poserais d'autres questions. Je ne sais pas si on aura le temps, c'est ça le problème des débats sur un thème, c'est qu'on a 2 heures, 3 heures, et que malheureusement, on a juste à peine le temps de poser des débats qu'on a envie de rentrer chez soi, bon, j'imagine. Mais c'est que le processus révolutionnaire dont il a été question tout à l'heure, donc ça a commencé en 1825, non, il y a eu les luttes organisatrices de 1880, etc. Bon, il y a en tout cas la conviction qu'il y a un processus révolutionnaire qui amène, à un moment donné, des événements dits révolutionnaires. Bon. Le fait que tu parlais de télévision tout à l'heure, d'aliénation par la religion, etc., etc., le fait qu'on dise qu'à un moment donné, de manière spontanée, le peuple puisse arriver à d'un seul coup, d'un seul... ils ont œuvré pour la dignité humaine, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc., etc. C'est un peu court, dans le sens où c'est pas suffisant. Je veux dire, le processus révolutionnaire, il est global et il implique aussi, évidemment, le boulot de ceux qui regardent pas la télévision. Et c'est pas une avant-garde, c'est ceux qui sont sur les tables de presse aujourd'hui, c'est ceux qui font des luttes de solidarité, etc. Moi, ce que j'appelle les anarcho-syndicalistes, hein, y a plein d'anarcho-syndicalistes qui s'ignorent. Mais moi, c'est des gens qui sont à la fois dans la théorie et à la fois sur le terrain. Et ça, c'est fondamental. C'est l'histoire des sauts de puce. C'est-à-dire que moi, je pense que si à un moment donné, y a des gens qui arrivent à prendre leur courage à deux mains et finalement ils se rendent compte qu'à côté il y a d'autres gens qui sont pareils, qui sont dans le même état d'esprit et qui prennent leur courage à deux mains pour dire non à un flic qui est en train d'arrêter un vieillard de 85 ans qui conteste une amende, par exemple, et ben c'est aussi parce que il y a des gens qui ont créé l'ambiance autour. Je ne suis pas là pour vous donner des médailles à ceux qui créent les ambiances. Je veux dire, il y a tout un travail de terrain, anarcho-syndicaliste, je l'appelle là, qui fait que c'est imperceptible, c'est les sauts de puce, c'est complètement imperceptible, mais à un moment donné, la mayonnaise, elle va prendre. Elle prend. Enfin, la révolution, quoi. Après, elle prend la forme qu'elle prend. Mais la mayonnaise, elle prend. Et c'est vachement important, ce travail anarcho-syndicaliste sur le terrain, et je sais pas, moi je regarde de temps en temps les forums, et la question est posée aux gens du CCI, est-ce que vous êtes de temps en temps sur le terrain? Je rentre dans le sujet, hein. Parce que ce travail de terrain, c'est ce qui permettra à un moment donné une accélération exponentielle, et j'insiste sur l'exponentielle parce que c'est important, c'est que les choses s'induisent très rapidement parce qu'il y a justement eu dans tout ce travail de terrain. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que l'exponentiel, il est fondamental parce que plus ça va vite, je me pose à l'attentisme, là, en l'occurrence. C'est-à-dire, on n'est pas là pour attendre que d'un seul coup, d'un seul, les mecs qui regardent la téloche, pour revenir en 2009, eh ben, ils comprennent, et puis d'un seul, donc on n'attend pas que ça arrive, quoi. Et si c'est exponentiel, et si ça va vachement plus vite, eh ben, il y a beaucoup de misère, beaucoup de souffrance, parce que c'est de cela dont il s'agit. Qui n'auront pas le temps de s'exercer, qui n'auront pas le temps de faire souffrir des gens. Voilà, je crois que je suis, comme d'habitude, pas très clair, mais je crois que j'arrive au bout, là. Il y a un travail de terrain à faire. Toutes les 5 secondes, je ne veux pas rentrer dans un truc culpabilisant, mais... s'adresse à personne, et toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui crève de faim. Et il y a 16 500 enfants qui crèvent de faim tous les jours. C'est-à-dire, je parle d'une misère, là, d'une souffrance, qui est quand même monumentale, 16 500 enfants qui crèvent de faim tous les jours. Si on fait la somme de toutes les souffrances qu'on pourrait éviter grâce à justement une accélération d'un processus révolutionnaire qui, enfin, pourrait éviter toutes ces souffrances-là, moi, je dis... c'est fondamental qu'on ne fasse pas de l'attentisme, parce que tout à l'heure ça n'a pas été assez précisé, on ne peut pas se reposer sur le moment T où les gens qui regardent la téloche comprendront, c'est qu'il faut bosser, il faut faire en sorte que de plus en plus de gens puissent rentrer effectivement le plus rapidement possible dans ce processus révolutionnaire. Mais avant ça, j'avais posé des questions. Oui, alors je vais malheureusement pas répondre aux questions précises, mais je vais essayer de reprendre quelques petites choses dans l'ordre. Alors d'abord saluer l'exposé qui était un peu touffu et tout ça, mais qui nous a demandé mais où sont passées les femmes, parce que je ne vois que des hommes ici. Ça c'était la pirouette. Mais dans le sens où franchement, continuer de tels débats, c'est important et c'est même vital pour l'avenir, parce que l'avenir, comme dirait l'autre, commence aujourd'hui, dans le sens où il me semble qu'avec la crise économique terrible, dont on ne perçoit pas bien l'ampleur encore aujourd'hui, parce que la bourgeoisie a mis en place tout un tas de moyens pour... qu'on descende tout doucement, mais la misère, comme le disait le camarade là, eh bien, la misère, elle s'installe à grands pas, et donc fondamentalement, c'est aujourd'hui qu'il faut jeter un maximum de force dans la bataille, sur le terrain, mais le terrain, ça ne suffit pas, et c'est dans des débats, c'est dans des débats contradictoires comme ce soir, que justement, on va éviter deux écueils, me semble-t-il. C'est-à-dire, le premier écueil, c'est de dire, voilà, ces chers bolcheviks, là, ben, ils ont fait un coup d'État. Après, il y a eu la Tchéka, le Goulag, et puis, c'est plié. Mais c'est pas suffisant de dire ça. Et à côté de Voline, il me semble que, même si ça défrise... quelques anarchistes, il faut relire quand même des bouquins comme l'histoire de la révolution russe, où il y a des choses intéressantes. Franchement, pourquoi et autant les uns que les autres, hein, parce que à une époque, ben, je me disais, bon, je vais pas lire Voline, bien sûr, parce que j'avais peut-être quelques œillères et tout ça. Quelques camarades, là, hein, nous nous sommes dit, voilà, on va faire un livre, et en faisant ce livre, justement, eh ben, on s'est ouvert quelques perspectives. Et voilà, il me semble que comme aujourd'hui, ben c'est important, et de faire ce travail sur le terrain, et pour mieux faire ce travail sur le terrain, de faire, de creuser en allant voir justement le bouquin d'Anne Weiler là, sur les soviets, en regardant même des historiens comme Marc Ferraud, y a des choses intéressantes là-dedans. Il faut aller voir de près comment ça se passe. Y a même des historiens trotskistes, hein, Brouet, Jean-Jacques Marie, on va un peu creuser là-dedans. Voilà, il me semble que c'est important pour l'avenir de déblayer un maximum de choses, même si on ne va pas apporter de réponse immédiate, mais ne pas se fermer. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? C'est important pour l'avenir ce qui s'est passé en Espagne, hein, entre 36 et 37. C'est important ce qui s'est passé en Espagne. Alors, c'est, d'un côté, de dire, allez, c'est plié là, les bolcheviks, ils ont fait le coup d'État, terminé, et de l'autre côté, de dire, de pas suffisamment critiquer les choses, de pas aller suffisamment au fond, dans la mesure du possible, bien sûr, hein, en n'oubliant pas le travail sur le terrain, mais il faut, me semble-t-il, et des réunions comme ce soir, des confrontations un peu fraternelles, mais qui taillent dans le lard un peu, parce que dans l'avenir, on n'aura peut-être pas du temps de maturation et tout ça, hein, de se dire tranquillement, allez, bah, on a commencé la révolution, on a tout notre temps. Non, on n'aura pas tout notre temps, je pense pas, hein, parce que, entre guillemets, la fenêtre de tir pour la révolution, elle sera pas... la bourgeoisie va s'accrocher bec et ongle. Donc par rapport à ça, il aura bien fallu déblayer quelques petites choses, quoi, hein. Par rapport au... il me semble au problème du pouvoir. Moi c'est effectivement une question centrale. Les bolcheviks, malheureusement, hein, ils ont pris le pouvoir. Ben oui, ils ont pris le pouvoir avec l'appui des grandes masses. Hein, les soviets, les comités de quartier, la garde rouge, les comités d'usine et tout ça, ils ont fusionné à un moment donné avec les soviets, parce que c'était avec les bolcheviks, pardon, c'était les bolcheviks qui, depuis 1914, fondamentalement, et dans le cadre international qu'a rappelé le camarade, hein, c'est eux qui donnaient les meilleures orientations. Il y a eu des anarchistes internationalistes qui ont lutté contre la guerre impérialiste, évidemment. Par rapport à cette fusion qui a eu lieu en octobre, pour moi, ce n'est pas un coup d'État. Après, on ne peut pas rester. Comment dire, encore une fois, dire c'est l'isolement qui prime, certes, mais il faut creuser aussi ce qui s'est passé en Russie. Et dans l'épisode Magnoviste de l'Ukraine et tout ça, moi il y a des choses qui me titillent, quoi. Dans l'épisode de Kronstadt, il y a des choses qui doivent nous titiller aussi. On ne peut pas dire il y a l'isolement, et puis c'est suffisant comme explication. Enfin, le camarade va sur reprendre tout ça. Pour terminer, je me pose aussi la question de la période de juste après la Révolution. C'est-à-dire, admettons demain que nous soyons assez combatifs et que il y ait suffisamment de prolétaires, de salariés combatifs, et que tous ensemble on fasse tomber le pouvoir bourgeois en France. Est-ce qu'on s'arrête là? Comment on fait pour la suite? Est-ce qu'on doit simplement se contenter gérer tranquillement dans notre petite ville ou dans notre petit village le pouvoir ou l'absence de pouvoir tranquillement dans notre petit coin, ou est-ce qu'on doit se poser la question de l'extension de la révolution? Parce que ce problème d'isolement, malheureusement, quand même, c'est la mort de la révolution aussi. Donc, voilà, est-ce qu'on doit se doter d'un instrument général de coordination qui prenne en compte les besoins de l'ensemble de la société, qui prenne en compte les besoins de pays qui sont dans une misère noire? Il y a quand même il y a tout un ensemble de questions qui ne sauraient se réduire simplement à une question d'autorité ou autoritaire, anti-autoritaire, pouvoir ou pas pouvoir, fédéralisme ou centralisme. Il faut essayer de creuser un peu plus, il me semble. Ça vient de réduire les... Pardon, de réduire les interventions. Je vais essayer d'être assez bref là. moi, Broline, je ne le connaissais pas. Hein. Et puis, de toute façon, moi, le débat politique, c'est, franchement, je dis, ça ne m'intéresse pas non plus. Moi, ce que je remarque souvent, c'est les préjugés qu'il y a. Quoi, hein. Par exemple, on a parlé du syndicat. Le syndicat, lui, il doit représenter. Et le parti, lui, il doit organiser. Moi, je dis, le peuple, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Le rôle du peuple, là. Alors, je dis, quand un parti, il organise, il va toujours organiser à grande échelle. Donc, moi, je dis, il prend le pouvoir et se démarque du peuple. Le pouvoir, moi, quand je parle du pouvoir, c'est le pouvoir sur ma vie, le pouvoir de participer aux décisions, etc. Et il ne peut se faire qu'à l'échelle locale. À partir du moment qu'un parti il peut organiser la société selon son idée, à partir de ce moment-là, on se trouve en présence de la contre-révolution. Et quand on pose le problème à l'international de cette manière-là, on parle déjà d'impérialisme. C'est comme ça que je vois les choses. Les idées, elles doivent naître de la pratique. Et on ne doit pas mettre en pratique des idées toutes prêtes. Voilà, donc en bref, c'est ça que je voulais dire. Je pense que je voulais être bref et j'ai été bref. Je voulais peut-être dire d'autres choses, mais... Bon, je vais essayer de ne pas être... Après, c'est vrai qu'il faut que je réponde à certaines questions qui m'ont été posées, en plus à juste titre. Bon, je reprends là où j'ai fini, ce que je disais tout à l'heure. Au moins, ce sera plus net. Effectivement, bon, dans l'exemple, j'aime dire spontané, c'est-à-dire que c'est spontanément qu'à Ivan Nouveau apparaît la nécessité de s'organiser dans la ville en lutte, de distribuer, de produire ce qu'il faut, bon, de faire en sorte que ce ne soit pas le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, au niveau de l'organisation de la société, qui est normalement réalisée par le pouvoir d'État, il y a la société qui dit à un moment donné, non, c'est nous qui nous organisons. En ce sens, dès que ça, ça se passe, il y a double pouvoir. Il y a le pouvoir de la société qui s'organise contre le pouvoir d'État. Nous sommes alors dans une situation de double pouvoir. Et la société n'admet pas de double pouvoir. Il y aura, on va fatalement vers l'affrontement dans ce sens-là. C'est la société elle-même qui s'organise. C'est, alors on ne peut pas vouloir l'appeler pouvoir, juste, il ne faudrait pas se braquer sur les termes. Mais c'est vrai que c'est le fait de s'organiser, c'est antagonique au fait que l'État, normalement, organise la société. Fondamentalement, dans la mesure où ces conseils ouvriers, ces soviets, comme vous voudrez, enfin bref, les conseils ouvriers arrivent à effectivement vaincre l'appareil d'État dans un pays donné, bon, dans une région donnée, fondamentalement, ça veut dire qu'à ce moment-là, cette organisation que les travailleurs, que ceux qui étaient dominés jusque-là se sont donnés, c'est cette organisation a effectivement pris la maîtrise d'elle-même, la maîtrise de la société, c'est-à-dire a pris le pouvoir. Et normalement, et fondamentalement, c'était ça les idées des sociodémocrates et les idées des bolcheviques et les idées des spartakistes et des autres, c'était de dire, bon, mais au fond, cette organisation de la société elle-même qui se maîtrise elle-même, eh bien, fondamentalement, ça ne peut que marcher bien, quoi. Puisqu'il n'y a, pas de raison, on ne va pas se monter sur les pieds. Ça va bien se passer. Alors bon, et les partis qui défendent ça, les partis qui défendent cette prise du pouvoir de la société par elle-même, ce qui était le cas des bolcheviques, ce qui était le cas des spartakistes, ils disent, bon, le parti il sera dedans, mais globalement, c'est les soviets, c'est-à-dire c'est l'organisation dans son ensemble de la société qui prend le pouvoir, et bon, les bolcheviques, ça aurait été le cas dans d'autres pays, poussent à ça. Et Voline a raison. C'est-à-dire que le lendemain du 25 octobre 1917, le lendemain, la révolution commence à dégénérer. Le lendemain, c'est tout de suite, il ne faut pas se raconter l'histoire. Et nous l'admettons totalement. Le lendemain, ça commence à déconner. La question c'est, comment se fait-il qu'effectivement une société qui tant a pris la maîtrise d'elle-même, ça se met, cette organisation de la société qui prend la maîtrise d'elle-même se met à déconner dès le lendemain. Je prends l'exemple de Voline. L'exemple de Voline de l'usine que tu as pris tout à l'heure, de l'usine Novelle. Il est très bien. Moi je trouve qu'il est très bien. En plus les personnages sont très bien. C'est ça en plus. C'est que d'un côté effectivement, bon l'usine elle est fermée. Elle marche plus. Et les ouvriers disent, bon, ben, il faut la faire marcher, en fait, quand même. Comment ça? Il faut la faire marcher. Il y a les moyens de la faire marcher. On peut trouver des trucs, on peut trouver des matières premières. Bon, on est là, on peut travailler. Ben, bon. Alors, mais il faut qu'effectivement, qu'on puisse l'avoir. Qu'on puisse obtenir ces moyens. Là-dessus, effectivement, on appelle donc le membre du gouvernement pour lui dire « il faudrait que vous me le donniez ». Ce membre du gouvernement, Chelyabnikov, futur leader de l'opposition ouvrière de 1921, c'est-à-dire effectivement qui sera, j'ai envie de dire, plus orienté vers la défense des ouvriers que ce que ne l'était Lénine ou Trotsky. Donc Chelyabnikov arrive, il se met visiblement en colère, à peine après ce que dit Voline, et il vient le voir et dit « non ». Pas question. Autrement dit, ce parti qui avait descendu le pouvoir de la société, de l'organisation de la société par elle-même, pendant tout son temps, ces mêmes partis, et Chelyabnikov était quelqu'un dont on ne peut pas douter comme les autres de l'honnêteté, se met à un moment donné, il semble, vraiment à défendre exactement l'inverse. Mais c'est une affaire de 3 mois. C'est-à-dire, ça se passe, l'affaire de l'usine Novelle, si je me souviens bien, janvier-février 18. Je crois, oui, ça va très vite. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'à ce niveau-là, nous, enfin, le CCI apporte une réponse. Alors, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de l'usine Novelle, parce que c'est dans un délai tellement court que c'est exemplaire. C'est pas 21, c'est pas Kronstadt, c'est pas la Magnovigina, c'est c'est 3 mois plus tard. D'après, fondamentalement, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir est pris, effectivement, il y a une situation à gérer, une situation à gérer qui est toujours très contradictoire. Nous sommes dans une période de pénurie. Nous sommes dans une période où, effectivement, il faut aider la révolution qui doit se développer en Ukraine, mais qui a du mal parce qu'il y a le bordel, les Petlura et les autres. On regarde l'Allemagne en se disant qu'il faudra donner toutes nos ressources pour une révolution en Allemagne parce que, et ils ont raison, ils partagent, ce sera le seul salut possible de la révolution. Il y a effectivement toutes ces contraintes-là pour l'organisation. Et ces contraintes qui sont globales, qui sont générales, qui sont globales, il ne faut pas se raconter d'histoire. Elles sont globales. Elles ne sont pas locales. Ce n'est pas possible. Il faut penser l'organisation au niveau global. Autrement, on ne s'en sortira pas. Mais le problème, c'est qu'effectivement, dans ces ressources qu'il faut distribuer, vers l'Ukraine, ou vers quelle autre partie du pays, parce qu'encore la révolution n'est pas faite, ou vers l'Extrême-Orient, parce que c'est le souk le plus total dans les débuts de la révolution, vers la Yakoutie et tout ça, c'est le bordel le plus noir, etc., etc. Dans toute cette, si on veut, cette distribution des ressources, qui est effectivement une distribution de ressources qui sont des ressources rares où il y a pénurie, automatiquement pour distribuer ces ressources, il y a des gens qui vont effectivement s'entremettre là-dedans. Ces gens qui vont s'entremettre là-dedans, ça s'appelle une bureaucratie. Oui, la bureaucratie, ils ne l'avaient pas vu venir, mais la bureaucratie s'installe, commence à s'installer au lendemain de la Révolution. Et le pouvoir, à partir de ce moment-là, qui n'a pas vu venir le coup, ils ne le comprendront pas, les bolcheviks. Le pouvoir va se retrouver en permanence devant une contradiction qui va les amener effectivement à des extrémités, c'est-à-dire à des catastrophes comme Kronstadt ou la Magna Magna, qui sont des trucs totalement horribles pour effectivement pour un pouvoir révolutionnaire et un parti qui était un parti révolutionnaire. C'est qu'effectivement, à un moment donné, le pouvoir qui est tenu par des gens qui étaient tout à fait, honnêtement, pour une autre société, se retrouvent, parce qu'ils n'ont pas compris qu'allait se développer cette bureaucratie, en train de la couvrir, la bureaucratie, de l'excuser, la bureaucratie, et même, fondamentalement, de la défendre. Alors, d'un côté, ils vont dire, et Lénine le dit, ça ne va pas, hein. Il faudrait que ce soit le Conseil des commissaires du peuple qui décide quand est-ce qu'il faut importer des boîtes de conserve venant de France. Est-ce qu'on a que ça à faire? Mais pourquoi? Parce que, alors ça, il le dit, je pense, fin 18, début 19, quand il le dit. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, dans l'échelle de la bureaucratie, et c'est typique d'une bureaucratie, personne ne veut se mouiller, personne ne veut prendre de décision. Et pendant ce temps, la situation économique est paralysée. Parce que personne n'a pris de décision, donc si personne ne prend de décision, rien n'arrive, rien ne se décide, rien ne fonctionne. Ça veut dire une chose. Enfin, en tout cas, c'est la leçon que nous en tirons. C'est que lorsque se fait une révolution, lorsque se crée une révolution, un appareil d'État qui va distribuer des ressources, qui va, parce que les ressources sont rares, qui va administrer, surtout au niveau, effectivement, de ces ressources-là. Bon, certainement un peu plus. Enfin bon, au moins à ce niveau-là. Cet appareil d'État, entre guillemets, qu'on le veuille ou non, il est inévitable. La question, c'est de s'armer contre ça. De contrôler. C'est de le contrôler, de s'armer contre ça. Il n'y aura pas moyen. L'autonomie de la classe. Il y a au moins 2 ou 3 choses. Premièrement, l'État et les ouvriers qui ont gagné la révolution, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'ils se le disent. C'est vrai que le vieil Engels avait compris, la Commune de Paris avait parlé de semi-État, ce n'est pas tout à fait un État, tout ça. C'est effectivement, premièrement, ils sont indépendants. C'est indépendant. Les ouvriers s'assimile pas à l'appareil d'État. C'est pas les ouvriers qui vont devenir les bureaucrates. Premièrement. Deuxièmement, les ouvriers sont armés. Ils gardent leur armement. Troisièmement, puisqu'ils gardent leurs armements, ils gardent en permanence les moyens d'imposer leurs décisions en tant que tels. C'est vrai que ça veut dire qu'effectivement, ça veut dire aussi au niveau de ces conseils ouvriers que les décisions qui sont prises sont en permanence contrôlées. On pourra en discuter. On pense que le mandat impératif, c'est pas juste. Tout débat est politique et tout débat entraîne automatiquement des nouvelles élaborations. Mais en tout état de cause, la révocation permanente, absolument. La révocation permanente de tout délégué doit être systématique. Il doit être un élément extrêmement important à respecter. Pas de violence au sein de la classe. Un ouvrier ne doit jamais se battre contre nous, un autre ouvrier. Il y a donc toute une série, effectivement, d'orientations pratiques qu'on doit tirer du fait que, oui, c'est vrai, après une révolution, il va y avoir, entre guillemets, cette sorte de mal, mais ce mal que ce serait illusoire de penser qu'on va éviter, qui est effectivement un appareil d'État, et un appareil d'État fatalement qui est bureaucratique, ou qui tend à la recréer en permanence. Vous m'avez dit juste qu'est-ce que le CCI faisait, mais enfin, même si c'était pas bon, le CCI, entre guillemets, avec les forces qu'il a, il fait tout ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il fait une presse, il intervient, il essaie de voir effectivement, d'analyser la situation, c'est-à-dire un travail théorique. Il intervient dans la presse, il intervient sur le net, il intervient quelquefois dans les forums, il intervient dans des assemblées, dans des assemblées ouvrières ou étudiantes, etc., etc. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'il fait en permanence, ce qu'il essaie de faire en permanence, c'est de pousser à la lutte, de pousser la lutte dans le chemin dans lequel il nous semble que la lutte peut se développer. Voilà, mais c'était la petite question à la fin, une petite réponse. Moi, je ne vais pas répondre à ce que vous dites. Moi, je ne suis pas. Je vais parler beaucoup de l'histoire de tout ça, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Parce que, j'aurais m'intéressé davantage, mais je n'ai pas été du tout là-dedans. Pourtant, moi, je suis à la réunion ici, parce que je m'intéresse quand même. Et moi, il y a des points, donc déjà, par rapport au processus révolutionnaire, il y a des points qui ont été dits. Donc notamment, tu vas parler de l'histoire du Mirail et des universités qui étaient restées bloquées durement. Je pense qu'on y est tout dedans. Après, les gens, ils ont eu marre du tsar. Tu as parlé de spontanéité et qu'ils sont sortis les gens en tête. Avant moi, je pense qu'ils devaient dire les gens, comme aujourd'hui on entend lui dire qu'ils en avaient marre du pouvoir et que ça finit en fait, ils ont quand même fini par virer le tsar. À partir du moment où ils ont commencé à virer le tsar, il y a des choses qui sont créées. Au moment où tu dis une chose, comme lui me dit, ça a été très positif, il y a quelque chose qui s'est créé et tout ça. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui a voulu contrôler la masse et qui a voulu contrôler, prendre, dire moi je suis plus intelligent que vous, c'est comme ça qu'il faut faire, et bien il y a l'histoire du bois, où apparemment il y a des gens qui ont du bois immense et pourtant ils ont crevé froid. Pourquoi ? Parce qu'il fallait décider par je sais pas qui. Quelqu'un a décidé, vous n'aurez pas le bois ou vous ne pourrez pas l'avoir parce qu'il faut passer par nous. Voilà. Moi, je vais résumer ce point-là. Et je voudrais savoir si, en fait, si aujourd'hui on est dans ce processus révolutionnaire ou si on est dans. Ce que vous en pensez, quoi. C'est vrai qu'il y a des éléments extraits. Moi, je pense qu'il y a un élément important qu'a dit Olivier, je suis d'accord avec ça, quoi, au-delà de. Explications économiques qu'on pourrait donner, toutes les conditions qui peuvent jouer sur un processus révolutionnaire divers et variés qui sont dures à décrypter. Donc, je pense que personne n'a la science, moi je ne crois pas qu'il y ait de science historique, donc sur la carte de là. Mais il y a à un moment donné, il y a une désacralisation du pouvoir. Et à ce moment-là, et ça se passe très vite, hein, révolution française c'est pareil. Jusqu'au dernier moment, les mecs ils vont devant le palais du roi pour dire mon papa roi, moi je veux dire, c'est pas ça. Ah, là, si, truc. Ou alors, est-ce que les représentants, même la Révolution française, hein, ils vont voir, une fois qu'ils ont commencé à faire la Révolution, ils vont encore voir les représentants pour leur demander d'aller plus loin. Jusqu'au moment où ils comprennent que c'est à eux d'aller plus loin. Et c'est ce qui se passe aussi. Il y a un moment donné où le pouvoir, il se désacralise. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas la télé, c'est peut-être pas Internet, les églises orthodoxes et toutes les fêtes et tous les trucs. Mais il y a quand même un conditionnement. Et ce conditionnement, à un moment donné, il pète, à mon avis. Bien sûr qu'il y a eu plein de révoltes dans l'histoire, mais pourquoi une révolte devient une révolution, quoi. C'est ça. À un moment donné, on va dire, on va mettre à bas le pouvoir. Effectivement, la question est bien sûr, elle est là-dessus. Puisque pour rebondir aussi là-dessus, c'est qu'effectivement, oui, quand il y a une révolution, s'institue comme étant le pouvoir de faire les choses. C'est plus, on délègue plus, justement. On arrête de déléguer. Parce qu'on a, dans tous les systèmes qu'on a connus dans le monde, entre guillemets, civilisé, ce n'est que délégation, effectivement, à une forme étatique. Et justement, dans les soviets, en tout cas à l'origine, on pourrait parler dans les conseils ou en Allemagne, peut-être dans je ne sais pas quelle proportion, je ne connais pas très bien, en Espagne, je ne sais pas quelle proportion, au moment où, et même dans la Révolution française, à quelques moments donnés, c'est-à-dire dans les districts, à un moment donné, les districts où il est. À Paris, on va essayer de contrôler, de dire on ne veut plus, justement, que ce soit des élus qui aient tout pouvoir de décider politiquement. On veut que ces élus-là, ils rendent des comptes, qu'ils aient des mandats plus ou moins impératifs, en tout cas assez impératifs, en tout cas, et il y aura tous ces moments de. Il y a un moment donné, justement, oui, il y a deux formes de pouvoir qui s'opposent. Le pouvoir des gens sur eux-mêmes, on va dire de la société, le pouvoir collectif sur eux-mêmes, un pouvoir autonome, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire qu'on va dire ensemble notre propre loi, et celui qui est au-dessus et qui dit la loi pour tous. Et voilà, à mon avis, effectivement, c'est contradictoire. C'est contradictoire, à mon avis, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse. Effectivement, il va y avoir. Moi, je ne pense pas que c'est toujours le lendemain de révolution, on va abolir ça directement. Effectivement, il y aura toujours tendance à se recréer. Il y aura toujours tendance à se recréer pour plusieurs choses, parce que certaines personnes, comme effectivement les bolcheviks, ne sont pas des méchants par nature, mais ou même comme certains anarchistes, parce que certains anarchistes peuvent avoir des dérives bolcheviques, de toute façon même la gauche communiste a pu stigmatiser des fois les dérives bolcheviques de la CND espagnole. Hein. Voilà. Donc peu importe, même Macron aurait pu avoir des dérives bolcheviques s'il était arrivé au truc. Le truc c'est, quand on va dire bolchevique, on va l'utiliser comme terme mauvaliste, je veux dire pas, ouais. Mais comme tu disais, effectivement, les révolutions se préparent avant, là, on prépare celle de demain. Là. Les bolcheviques aussi, quand ils se préparent, quand ils s'organisent, et d'autres groupes sociaux-démocrates, ils ont une idéologie derrière eux. Et cette idéologie, quelque part, elle, je ne dis pas qu'elle va obligatoirement induire les erreurs qui parce que les gens peuvent changer par la mesure. On savait que toute personne dans la région prend voline, on prend n'importe quel individu, on va toujours sentir les contradictions. On prend des sans-culottes, on va avoir des sans-culottes qui sont xénophobes, mais à la fois très fiers de lance de la révolution. Française à un moment donné, je veux dire que les contradictions elles peuvent être multiples, très macho ou ce qu'on veut. Mais, en plus, c'est marrant parce que sur Rosa Luxembourg, moi je suis tombé une fois sur une brochure, j'arrive pas à trouver les mots exacts, elle a été très critique en 1900 sur Lénine, très critique sur les bolcheviks, très critique sur leur façon militaire de s'organiser. Déjà, moi, des gens qui s'organisent de façon militaire, comment veux-tu que. Ils poussent à l'émancipation des gens, parce qu'eux-mêmes ils fonctionnent sur un modèle effectivement bourgeois. Parce que les sociaux-démocrates ils ont un modèle bourgeois. Et parce qu'aussi, et je vais dire, dans l'idéologie qu'ils défendent, dans l'idéologie assez mécaniste, et il y a quelque chose presque de religieux. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a des lois dans l'histoire, effectivement, et ces lois dans l'histoire font que tel processus va accéder à tel processus, qui va accéder à tel processus, et c'est ça qui va faire la révolution, etc. Je vais très très vite, hein, effectivement, je tranche dans l'art. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est des idéologies qui vont s'y amener les gens à dire, mais quelque part, le prolo, il n'est pas trop acteur, il est agi par sa situation, par sa condition de prolo, il faut qu'il prenne conscience. Et il y a une vérité, il y a une façon plus ou moins de faire la révolution. Et effectivement, de toute bonne foi, on dit, attends, il y a une façon de faire la révolution, si là, la révolution est en train de se faire, elle s'écarte de cette façon, que moi, je pense être le seul ordre possible, le seul ordre révolutionnaire possible, ça va à la contre-révolution. Donc à ce moment-là, tu vois inévitablement les gens qui sont côté de toi, même révolutionnaires, comme des ennemis. Et tu vois presque le peuple aussi comme un ennemi, puisque lui aussi peut dévier, il ne fait pas exactement ce qui est prévu, ce que tu penses être avoir prévu. Quoi. Bien sûr, c'est schématique. Bien sûr que les gens, ils ont adapté eux aussi leur idéologie. Parce que, en fait, les bolcheviks n'ont pas fait du tout du Marx, tout crache, c'est clair. Mais quelque part, pour moi, il y avait dans le ver dans le fruit, quelque part. Même là-dedans, dans cette façon de voir et cette façon de se voir aussi comme étant détenteur de la vérité, non pas de la vérité en sens, où on dit oui, il faut faire la révolution, ça d'accord, je suis d'accord, on veut le communisme, etc., mais dans la façon de le faire. Et moi je pense que leur étatisme, effectivement, il était, et leur, le germe de la bureaucratie, il était déjà, même dans la forme d'organisation, même pour d'autres marxistes, ils apparaissaient déjà avant la révolution comme bureaucratie. Et moi je pense qu'il y avait de ça là-dedans, donc ils. Et effectivement, oui, moi c'est pareil pour au niveau international quand il parle du global, mais le global il ne peut pas se construire sur du vide, il ne peut pas se construire sur du pas local. Il y a bien un élément de base qui est là. Effectivement, quand on agit, on va agir là où on peut agir, mais effectivement, et c'est là aussi notre travail aussi en tant que révolutionnaire, Parce que souvent, même quand on voit des éléments auto-organisés se former dans des petits flux, etc., souvent ce qui manque, c'est cette pensée un peu vers le global, effectivement. Mais il faut qu'elle s'appuie sur une expérience concrète, sur une pratique, car c'est la... c'est pas la théorie qui fait naître la pratique, hein, c'est la pratique qui fait naître la théorie. C'est parce qu'on est, on va expérimenter, et c'est comme ça qu'est née la philosophie, etc. Et parce qu'on fera la vraie politique, justement. La politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et justement, on revient sur le pouvoir faire, le pouvoir suivre. La vraie politique, c'est ça. C'est pas la prise de pouvoir, qui est effectivement le truc des politiciens. Les politiciens, ce qu'ils cherchent, c'est à prendre le pouvoir pour eux, pour un groupe, parce qu'ils ont la vérité. Ça me donne une force terrible. C'est-à-dire que l'histoire de ces gens, on ne va pas se retrouver entièrement dedans. Mais ça nous montre leurs épreuves, leurs expériences et tout, ça nous apporte vraiment quelque chose. De ce que tu dis, toi, par rapport au... On va faire une administration qui, quelque part, serait tenue à la force des baïonnettes, moi, j'y crois pas. Moi, je crois pas parce que il y a ce que Kassouriadis appelle la cyclotimie des masses. C'est-à-dire que les masses, si elles sont dans la rue, elles sont entières. Soit elles y sont, et si elles délèguent quelqu'un, elles délèguent quelqu'un. C'est psychologique. C'est pour ça que c'est un peu une vue de l'esprit, ce qu'on proposait. C'est que pour l'instant, tel que l'être humain est forgé dans sa psychologie, c'est que s'il commence à déléguer, il va rentrer chez lui. Il va voir, la télé, il va faire... Il y a une espèce de dynamique qui est rompue. Voilà. C'est-à-dire que, moi, ça me pose vraiment problème, effectivement. Et je crois que ce problème, il n'est résolu que si on se réfère un peu à ce que disait Jean-Jacques Rousseau. On ne peut pas concevoir l'avenir en fonction de ce qui existe. C'est-à-dire que si vous avez... J'ai l'impression de vous entendre que le monde restera toujours tel qu'il est, même s'il y a une révolution. Or, une révolution, la définition, c'est l'ouverture des possibles. Et donc, justement, que l'avenir ne soit plus comme le passé, voire comme le présent. Moi, je le vois, mais je discute des fois avec des gens anarchistes, tout ça. Ils me disent, oui, mais il faudra bien un code de la route. Oui, mais attends, est-ce qu'il faudra au moins des voitures? Voilà, la question est là. Est-ce qu'on aura même des voitures? On a l'impression qu'on va repeindre les choses du capitalisme en noir et rouge, ou en noir avec une étoile, ou avec une truc, et qu'on va les garder. Mais non, ça n'intéresse pas de les garder, les choses du capitalisme, des fois. On n'en a peut-être pas besoin. Moi, je suis très bien, la soirée que je passe ici, je m'éclate plus qu'avec mon ordinateur. Voilà, donc je n'ai peut-être pas besoin de forcément... Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire qu'il ne faut pas se dire que parce que aujourd'hui on vit comme ça, la révolution, il faudra qu'elle maintienne notre mode de vie. Mais non, elle va le changer. Donc quelque part, on s'en fout finalement de ne pas manger les framboises en hiver, ou etc. On peut se contenter de choses plus de proximité, de choses plus locales. Moi, je comprends bien qu'après, ce que vous dites, mais est-ce que c'est vraiment obligatoire de faire des machines à gaz? Moi, je pense qu'il faut éviter les machines à gaz. Parce que les machines à gaz, c'est effectivement le départ de l'incontrôlable. Alors, vous me dites, on va contrôler une machine à gaz. Moi, je vois le flèche à côté, je ne sais pas comment je vais la contrôler. Et ça n'est une machine à gaz. Vous allez mettre quoi? Des fusils au bout de l'électron? Non, vous n'avez pas. Donc, il y a des choses qui sont Bon, après, on a tous envie ici que les choses, bon, elles bougent parce qu'on a des choses vraiment qui nous révoltent et on a envie que finalement, que c'est ça qui nous réunit finalement. Et là, on est là, on recherche des solutions. Quand le copain il demande est-ce que vous pensez qu'on vit un processus. Moi, j'en sais strictement rien. Moi, j'essaie de donner du courage aux gens, j'essaie de donner de la confiance aux gens. Parce que même quand il y a une prise de conscience, ce qui manque, c'est la confiance. C'est-à-dire, l'anarchiste, qu'est-ce qu'il fait? Il le livre dans son bouquin, l'anarchiste. Quand les gens ont un bandeau sur les yeux et qu'ils ne savent pas où aller, ils leur arrachent le bandeau. Alors que le politicien, il dit non, garde le bandeau, moi je vais te conduire. Voilà. Donc nous, on essaie d'arracher le bandeau pour que les gens ils marchent par eux-mêmes. Moi, je crois que c'est le rôle des révolutionnaires, de vous comme de nous. Alors, des fois, on n'a peut-être pas la bonne méthode pour arracher le bandeau, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut que les gens prennent conscience de leurs capacités et que ces capacités soient mises en œuvre. Voilà. Et essayer de pas. Et se sortir des programmes. Moi, quand j'entends le mot programme, alors. Les communistes de gauche, les anarchistes, la CNT, la plateforme, le programme, l'Alliance. Putain, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Les programmes, il l'a dit tout à l'heure, les programmes, c'est fait pour pas te respecter, tout ça. Et parce que ça soit les choses. Quand les gens seront dans la rue, ils inventeront. Si on dit l'imagination au pouvoir, le programme, c'est ce qu'on a fait avant. Et l'imagination, elle va inventer autre chose. Donc, il faut libérer. Nous, on est des libérateurs. Voilà, moi, un révolutionnaire, finalement, à la réflexion, c'est ça. El Libertador, c'était Bolivar. Mais, c'est ça. On libère ça. Si on arrive à faire déjà ça, si autour de nous, on libère des gens, si on leur dit, putain, mais allez, c'est bon, aie moins peur, putain, stresse moins, quoi. Aujourd'hui, un sondage, il y a 25%, 30% de gens stressés, je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent, bon. Mais bon, les gens ont peur, ils sont stressés, truc. Bon, ben, notre rôle, c'est de dire, voilà, regarde, Vouline, voilà ce qu'il a fait, lui, de toute façon, il avait plein de pognon, il a tout filé aux autres, et voilà, il a fait les soviets, il a été là, il s'est battu, bon, il a fait un bouquin super. Moi, je conseille sa lecture. Bon, on peut y trouver des lacunes, on peut y trouver des trucs, mais franchement, c'est simple à lire, c'est les mots pour tout le monde. Et vous pouvez sauter les passages, relire, revenir, c'est super. Voilà, bref, la suite, continuez. D'accord. Ouais. Par rapport à est-ce qu'on est ou pas dans un processus révolutionnaire, on est en processus de vie, parce qu'il y a de la vie, l'univers, ça tourne, il faut dire recul, révolution, évolution. Savoir si on est dans un processus. La question, c'est ce que tu poses finalement, c'est dans quel degré. À quel degré du processus révolutionnaire on est. Et pour pouvoir répondre à ça, il faudrait faire des comparaisons par rapport à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. C'est les historiens, c'est justement l'intérêt de ce genre de débat, c'est de pouvoir. Mais il n'y a que un individu, il n'y a que l'individu qui peut répondre à cette question-là. En fonction de ta vie, ton parcours, est-ce que c'est un sentiment personnel. On ne va pas tous avoir la même perception de l'univers. Et on ne va pas tous avoir la même interprétation des événements, et donc on ne va pas tous avoir la même capacité de dire « ouais, là, on est dans un moment plus intense qu'un autre ». L'important, c'est de lutter par rapport à pour les valeurs, à n'importe quel moment, un temps T plus 1, un temps T plus 2, c'est de lutter pour les valeurs, liberté, solidarité. Et ces valeurs-là, c'est justement celles qui s'opposent au programme. Et c'est pour ça que... À tous les moments, tu luttes pour des valeurs qui sont les valeurs liberté, solidarité et toutes les autres. Et c'est pour ça que c'est à tout moment, tu fais un travail effectivement de libérateur, je crois que c'est tout à fait ça, pour dire ces libertés-là, c'est possible, ces valeurs-là, c'est du possible, et tout ce qui s'oppose à ces valeurs-là, sous le sceau de la fatalité, je l'amène là, c'est s'oppose à ce possible-là, à tous ces possibles, à cette ouverture des possibles, que sont ces valeurs-là, mais pas seulement théoriques, appliquées. Là, je commence à être fou, je crois. Mais bon, je veux dire, pour moi, les valeurs, la lutte pour les valeurs, la liberté, la solidarité, c'est justement, à tout moment, c'est justement ça le processus révolutionnaire, individuel et collectif. Bien sûr. Bon, pourquoi je parle de fatalité? Parce que, on est dans le débat depuis tout à l'heure, depuis longtemps maintenant. On est vraiment dans le débat. Mais je ne vous entends pas, les gars du CCI, je ne vous entends pas. Non, mais je rentre dans le sujet parce que pour moi, c'est ça qui est important. Je rentre dedans parce que pour moi, c'est ça qui est important. Je ne vous entends pas dire à aucun moment pourquoi l'État est un mal nécessaire, pourquoi c'est une fatalité. Vous ne le dites pas, vous le posez, mais vous expliquez pas pourquoi c'est une fatalité. Moi, je vous pose une question. Mais c'est ça, est-ce que l'État c'est une fatalité ou pas? Je suis désolé, le copain a dit, à plusieurs reprises, deux ou trois fois, il a dit, c'est une espèce de mal. Pas mal nécessaire. Il a dit, c'est une espèce de mal contre lequel il faut s'armer. Alors d'ailleurs, il parle plus d'armée des ouvriers, il donne des recettes. Mais c'est une espèce de. C'est une fatalité. Il n'a pas dit fatalité, mais ça voulait dire, c'est un mal peut-être pas nécessaire comme tu dis, mais en tout cas, c'est nécessaire. Il a dit oui, il a dit c'est nécessaire à un moment donné, et là je vais rentrer dans le temps. Je vais le citer, t'inquiète. Moi j'ai une question à poser. Corriger un mot, c'est inévitable. Voilà, inévitable. Alors, oui, mais moi j'ai une question à poser. Si jamais, ce soir ou une autre fois, vous, les camarades du CCI, vous étiez à un moment donné. Vous admettiez à un moment donné que l'État n'était pas quelque chose d'inévitable. Donc je pose la question d'avenir. Si vous admettiez à un moment donné que l'État effectivement n'était pas inévitable, est-ce que vous seriez capable, et je n'ai pas fini, c'est juste une question, est-ce que vous seriez capable de transformer votre lutte? Parce que finalement on serait assez proche. Mais bon, là on est assez éloigné du fait de cet État qui est quand même pour nous une grossièreté. Est-ce que vous seriez capable de transformer votre lutte si à un moment donné vous admettiez que l'État n'était pas inévitable? Bon, moi, je pose la question et je vous la pose à vous. Je vous demande de répondre si vous voulez bien. Maintenant, moi j'ai l'impression, aujourd'hui j'ai appris un mot sur un forum qui m'allait parfaitement. Je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, l'idée m'allait bien, c'est antithétique. Ça m'a plu. Parce que moi, je parle souvent de monolithique, pensée binaire, machin et tout, incompatibilité, compatibilité, etc., etc. Moi, je pense, pour avoir discuté avec un compagnon du CCI au débat précédent, enfin, je crois que c'est le précédent, justement sur ce sujet-là du centralisme. Parce qu'on parle de centralisme. Parce que là, on parle du concret, cette fois-ci, on parle de concret. Vous parlez d'organiser la production. Et vous dites, c'est inévitable pour organiser la production et pour organiser la société. C'est inévitable, il faut une machine, vous avez du mal à le dire, mais vous le dites quand même, c'est peut-être parce que vous êtes ici d'ailleurs, vous avez du mal à le dire, mais vous le dites quand même, elle est inévitable. Eh bien, vous donnez des exemples, d'ailleurs, mais vous le posez quand même, c'est pas, vous ne dites pas pourquoi c'est inévitable, vous donnez juste des exemples, vous dites, pour organiser la distribution, il faut à un moment donné centraliser. En gros, je raccourcis, mais c'est ça que vous avez dit. C'est avec plusieurs exemples. Celle des conserves, de Lénine, qui est machin, qui dit bon, il faut faire venir. Bon, est-ce que c'est vraiment à moi qui dois faire venir les conserves de France, etc. Ça, ben pour moi, ça c'est. Là, on est dans le concret. Parce que local, global, l'organisation, la distribution, pour parler, parce que la production, elle se produit localement, hein, toujours. Hein. A priori, moi, ce que je produis ici, c'est pas le mec en Amérique du Sud qui va le produire. Donc, la production, elle se fait toujours au niveau local. C'est au niveau de l'organisation, de la distribution, que là, vous dites, effectivement, il faut, pour organiser la distribution, l'État. Et là, moi, je dis, attends, il y a un problème. Effectivement, à un moment donné, pour faire venir du sucre du Venezuela, par exemple, il faut à un moment donné charger un bateau, c'est du concret, hein, avec des containers remplis de sucre, etc., etc., pour pouvoir après le distribuer. Il faut à un moment donné savoir combien de sucre, machin et tout, combien on en envoie. Effectivement, à un moment donné, il y a un besoin de centraliser l'information, mais c'est l'information. Mais c'est pour ça que je parlais du mot antithétique. C'est pas incompatible. On peut, nous, en tant que libertaires, on n'est pas des bornés de l'anticentralisme. Mais ça dépend de quel centralisme on parle. On parle du centralisme des décisions. On parle de, comme le disait le copain tout à l'heure, on parle des pouvoirs non séparés. Le centralisme, évidemment, certains centralismes sont nécessaires. Et c'est pas parce que certains centralismes sont nécessaires que d'un seul coup, d'ailleurs, ça y est, comme disait un autre, c'est la religion, le centralisme, c'est la solution. Non, le centralisme, c'est pas la solution. Le centralisme, c'est justement là où il y a un problème, c'est que c'est là où s'installe la bureaucratie, et c'est pas parce qu'on va donner un fusil. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où les gens qui ont fait la révolution, ils aient leur fusil tout le temps. Peut-être que ce sera nécessaire, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas pour moi un monde idyllique, ça, tu vois. Enfin, d'abord, le monde idyllique, c'est encore un autre thématique, tu vois, ma langue à fourche. Bref. Moi, j'ai pas forcément envie que tout le monde ait un fusil à tout le moment, mais ça, c'est moi qui le dis, c'est en tant qu'individu que je m'exprime. Peut-être que c'est nécessaire, effectivement. Mais, je veux dire, c'est pas suffisant pour qu'à un moment donné, l'État, par des tactiques, et puis par en jouant sur la fatigue des révolutionnaires au bout d'une génération ou deux générations, bah, finalement, les fusils, c'est bon, ils rentrent là où ils doivent rentrer. Quoi. C'est pas des solutions, ce que tu as proposé sur la révocabilité. C'est pas des solutions. Je veux dire, le centralisme, moi, en tant que libertaire, je dis oui, il y a certains centralismes au niveau de la distribution de certaines choses, au niveau de la récollectation de certaines informations, et encore, là, entre guillemets, il faut faire attention, parce que il y en a certains qui peuvent dire, ah tiens, là, il a dit oui, ok, donc, on centralise l'information, et tout le monde sait très bien que ceux qui ont l'information, ils ont le pouvoir de décision, ils ont le pouvoir sûr. Donc, on peut très bien, c'est tout à fait compatible d'avoir certains domaines de l'économie, ou de la réflexion humaine, etc., etc., où le centralisme intervient, mais au niveau de la décision, elle est forcément locale. Elle est obligatoirement locale, sinon tout ce que les copains ont dit ont précisément, ils ont été précis. Ils ont été précis pour, dans les processus, à un moment donné, en quoi c'est contre-révolutionnaire d'avoir une organisation ou des gens qui ont du pouvoir sur les autres. De toute façon, ça paraît évident, mais bon, a priori, pas forcément. Donc, c'est pas incompatible. Il y a certaines choses qui peuvent être centralisées, mais la décision, elle est forcément locale, elle est forcément à la base. À la base, forcément. Et nous, on a un schéma, enfin les libertaires, le fédéralisme libertaire, c'est les décisions se prennent à la base et elles remontent. Mais elles remontent pas au niveau, dans un champ sémantique de décision, elles remontent au niveau de, tiens, on a besoin de 3 kilos de sucre. Voilà, c'est ça seulement, là où là, ou 30 kilos, ou 30 tonnes de sucre. C'est là où l'information, elle remonte. Mais au niveau de la décision, elle est prise à la base. Et c'est là où il faut faire attention au champ sémantique, aux mots. Parce que les mots, ils font des millions de victimes, les mots. Donc, le pouvoir sûr, non. Le pouvoir faire, oui. Le centralisme de combien de sucre on veut, oui. Le centralisme des décisions, non. J'ai l'impression que c'est la clé du problème, quoi. Moi, en tout cas, je ne peux pas concevoir, en tant que libertaire, qu'on vienne dire que l'État, après ce qui s'est passé dans l'histoire, que l'État est un mal... Bon, d'accord, c'est pas un bon argument philosophique, ok. Mais je ne conçois pas qu'à un moment donné, on puisse dire l'État est un mal inévitable. À aucun moment. Là, on démarre à zéro. On démarre à zéro, quoi. Et pour reprendre ce que disait le camarade tout à l'heure, parler d'éveiller pour l'avenir, on s'aperçoit que finalement, tu disais toi, les 20, si on est en 2009, etc., bah, 90 ans plus tard, on voit que on a pu laisser quand même un certain nombre de choses encombrer la chaussée parce qu'il reste énormément de choses à déblayer et on s'aperçoit que le solde. L'expérience de la contre-révolution russe n'a pas été complètement posée. Moi, je pense que on a beaucoup, dans ce genre de débat, et c'est normal, hein, on a une forte tendance à passer vite à des questions de recettes, etc. Moi, je pense que ce qu'a dit le camarade tout à l'heure, pour synthétiser quel devait être notre garde-fou pour essayer de cadrer tout ce qui pourrait se faire dans le processus révolutionnaire et tout ce qui garantirait qu'on reste dans un processus révolutionnaire, c'est effectivement que rien n'échappe à l'activité de la classe ouvrière. C'est le point central. Et ce point-là, effectivement, avait été moyennement bien perçu par la social-démocratie internationale, c'est un euphémisme, parce qu'ils le voyaient sous la forme qui n'était pas faux, c'est-à-dire nous avons des organisations du prolétariat. Ce ne sont pas des organisations à côté du prolétariat. Je n'estime pas que les organisations de la social-démocratie, de la classe ouvrière d'avant-guerre, d'avant la Première Guerre au niveau politique, soit une organisation à l'extérieur prolétariat, des organisations du prolétariat, et qui œuvre dedans à la maturation de la conscience de classe, etc. Pareil, la maturation, c'est pas simplement chacun dans son bain, dans son coin. S'il y a des éléments qui permettent de faire cristalliser plus vite la conscience, de gagner du temps dans la réflexion, etc., voilà, là on est tout à fait dans le rôle du parti. Cela dit, du coup, en ayant posé ça, et en rappelant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que malgré que ce soit des organisations du prolétariat, posaient sur eux des éléments qui n'avaient pas été déployés par l'histoire encore, et des fausses conceptions de la lutte du prolétariat, ça a joué complètement sur la révolution russe. Alors, du coup, les camarades camarades du CCI a donné une deuxième interprétation maintenant des mécanismes qui font que, alors là c'est très spectaculaire de le dire comme ça, dès le lendemain du 24 octobre, le 25 octobre, la révolution russe dégénère. Finalement, là, la question se pose plus sur la question de l'international, où en est le processus international. C'est directement lié au fait que le pouvoir qui émerge se trouve dans une situation contradictoire et qu'il a à résoudre tout un tas de problèmes d'organisation, etc. Et que c'est là qu'a joué la confusion du parti bolchevique entre ce que devait faire l'État et ce que devait faire un authentique pouvoir ouvrier. Donc, déjà... Je dis un peu par boutade, tout d'un coup l'international a disparu, ce que je voudrais dire c'est juste une boutade, parce que je sais bien que ça n'a pas disparu non plus dans l'esprit des camarades, et que effectivement, dans la façon dont on présente tous les problèmes, il faut bien se garder à l'esprit qu'il n'y a pas une explication unique qui serait absolument centrale et qui permettrait de décrypter tous les problèmes qui se posent. Alors après, la situation contradictoire, il est évident que la situation dans laquelle se trouve la révolution au lendemain d'octobre, ou en octobre, oui, c'est une situation où il y a beaucoup d'éléments des organisations, parce qu'il y a eu tout un travail de sape, de dissolution de l'ancien pouvoir, de l'ancienne société, et qu'en même temps qu'émergent les formes d'organisation en forme du prolétariat, les conseils ouvriers, les comités de quartier, etc., d'autres aspects sont complètement en vrac, de la guerre, de la désorganisation de la production, etc. Et qu'il ne faut pas se cacher que dans tout ce que même pourront faire les bolcheviks dans les premières années du pouvoir soviétique, il y a une bonne part de pragmatisme, d'empirisme, voire d'improvisation. Voilà. Bon, là, elle n'est pas la question. Mais alors, du coup, le camarade me présente principalement, bon, voilà, il y a des contraintes qui pèsent sur l'organisation, y compris la production. Ces contraintes ne sont pas locales, mais elles sont globales. Fondamentalement, s'il a pu apparaître dans l'esprit du camarade au vu de certaines interventions ici qui avaient contradiction, je pense que c'est la dernière intervention du camarade à lever l'ambiguïté. Mais en tout cas, c'est une contradiction qui n'est pas dans Volume. Volume ne pose jamais les problèmes en termes de local contre global. Et il dit bien que pour les tâches qui se posent à la classe ouvrière dans le processus révolutionnaire, à la population dans le processus révolutionnaire, parce qu'il ne parle pas toujours de classe ouvrière, les questions d'organisation sont présentes. Les problèmes d'organisation de la révolution à l'échelle globale. C'est pas. Et là-dessus, il me semble que ce n'est pas répondre à ce que dit Volume. Par contre, le camarade dit qu'il y aura un État et il y aura un prolétariat qui gardera une autonomie, la force armée, etc. Et l'État sera du coup réduit à tenter de résoudre ces problèmes d'organisation de la production. En même temps, bon, c'est bien de pouvoir y retourner derrière là-dessus, c'est une grosse discussion, parce que la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un État qui n'aura pas la possibilité d'exercer la force, qui n'aura pas le moyen de faire exécuter les directives qu'il veut donner, etc. On a donné tout à l'heure l'exemple de la production d'une usine et qui ferme, etc. C'est bien le conseil des ouvriers, le comité d'usine, etc., qui dit qu'il ne veut pas faire ça. S'il y a une instance étatique qui dit séparer des conseils dont on ne sait pas donc quel serait exactement leur rôle, qui dit « mais non, il faut fermer parce que finalement on a besoin de ressources ailleurs ou pour l'instant on ne peut pas vous donner de matières premières, etc. » Finalement, qui impose la décision? un État qui serait incapable d'imposer ses décisions, on est d'accord, on l'appelle sous-État. C'est un vieux problème, c'est un problème qui n'a jamais été réglé complètement, je pense, au sein du CCI. Et je pense que c'est un débat ouvert. Ce que je voudrais dire, ouais, il y a des choses, il y avait des incertitudes, il y avait des choses pas réglées d'un point de vue programmatique au sein du prolétariat international. Ça, c'est certain. D'un autre côté, par rapport à ce qu'on disait de la pratique autonome du prolétariat, il s'est posé des problèmes que là, le prolétariat avait les moyens de résoudre, que là, le parti bolchevique avait les moyens de résoudre et qu'il n'a pas fait. Et je veux dire, le combat du prolétariat, c'est une certaine éthique. La mission historique du prolétariat, c'est l'émancipation de l'humanité. Et de ce point de vue-là, il y a deux choses fondamentales. C'est finalement cette sorte d'autopraxie, c'est-à-dire qu'il fait par lui-même la réalisation de cette mission. C'est le prolétariat lui-même qui l'a fait. C'est pas quelque chose qui s'impose à lui. Partant de là, les points fondamentaux sont le développement de sa conscience et aucune entrave à tout ce qui est développement de sa conscience. Et là, c'est là où, quelque part, on se dit, en tant que, du point de vue des organisations de gauche, de la gauche communiste, il y a une grosse lacune dans la critique de la contre-révolution. D'ailleurs, le camarade, à aucun moment, il revient, il exprime des idées générales, pas de violence, etc. Mais alors, comment on pose le problème quand il s'est posé vis-à-vis des bolcheviques qui exercent cette violence? Et en particulier, quand je dis donc pas de limitation au développement de la conscience, pas de violence, il y a eu des interpellations contre le pouvoir bolchevique qui sont venues de camps de la gauche, qui sont venues en Russie même, qui sont venues de l'international. Et il y a eu des interpellations directes qui posaient cette question. Et celles-là n'ont pas été résolues. Camarade disait attendre la révolution internationale tout à l'heure. Je disais, bon, alors parlons de mars 18. Et qu'est-ce qu'on a à dire depuis mars 18? On a, je dirais quelque part, le mouvement ouvrier révolutionnaire s'est dessaisi de cette critique, de cette rupture entre le projet bolchevique et l'éthique prolétarienne, pour le laisser finalement en critique, en pâture, à tous les historiens bourgeois, etc. Moi, je vais donner un exemple des interpellations, c'est dans les tracts macnovistes. J'attendais de dire pour faire vite, il y a à boire et à manger. Hein, mais c'est ce genre de choses, quand même, qui sont des interpellations directes qui s'adressent à la conscience des ouvriers bolcheviques ou du parti bolchevique. Ils disent. Oui, je vous cite un tract de Macron. Pardon. Je sais bien que les alars, ça ne vous intéresse pas, quand même. Le peuple est exténué et ne peut plus supporter l'arbitraire. Il vous exhorte, tout en vous avertissant, allez-vous vous arrêter devant ce cauchemar? Allez-vous vous rendre compte que vous fusillez, qui vous jetez dans les cartes de la Tchéka, avec qui vous remplissez les prisons en obéissant à vos commandants et commissaires? Ne sont-ce pas vos frères, vos pères, vos fils, évidemment? C'est ce genre d'interpellation qui était très forte, qui venait de plusieurs courants, qui sont venus y compris d'autres courants socialistes ou internationaux. Je pense que là aussi, c'est pas lié à réduire la contradiction entre l'organisation locale et globale de la production. Bon, ce qui serait sage de faire, parce que les gens partent, c'est de dire, bon, on organise un débat sur le reflux révolutionnaire après à l'Europe, parce que là, bon, on est sorti du cadre, quoi, un peu. On va finir, on va prendre les dernières interventions, et on se dit à minuit, on ferme. Parce que là, c'est très intéressant, mais c'est vrai que là, le temps est passé très rapidement. Donc, à la limite, bon, on fera un thème sur le reflux, avec le traité de Brest-Litovsk, parce qu'à mon avis, moi, le traité est bon. Allez. Ah oui. Ben oui. Donc, il me reste un intervalle. Ouais. Bon, je n'interviens pas au nom du CCI, je m'en rapproche de l'organisation, mais c'est vraiment un titre personnel par rapport à des interventions qui ont été faites. En particulier, tout à l'heure, quand tu disais, tu rappelais qu'il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Ça, c'est une réalité crue qui pèse aussi sur la conscience des gens, enfin, du prolétariat en particulier, au niveau international. Et c'est pas la seule. On peut aussi citer les 3500 tonnes de plastique qui sont déversées dans la mer et tout le reste qui se trouve partout, la famine qui se développe, pas que en Colombie, au Venezuela notamment, entre parenthèses, hein, mais bon, la guerre aussi, la relation et la généralisation des conflits. Et par ailleurs, face à cette nécessité de plus en plus évidente de la révolution, comme tu le disais dans l'intervention, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et là, en fait, on pourrait se dire, est-ce que c'est antagonique, en fait, les deux visions? Et je ne pense pas. C'est une dualité, quoi, qu'il faut voir dans la réalité. Il y a à la fois une nécessité urgente de réaction face à l'aggravation de la crise, face à la faillite historique du système et à toute la misère qui se trouve depuis. Mais en même temps, il faut voir où en est le prolétariat à l'échelle internationale dans son processus de reprise de prise de conscience. Et ça, ça suppose quand même avoir une vision la plus objective possible du rapport de force que le prolétariat peut développer contre l'idéologie dominante, contre le pouvoir dominant. Et faire l'analyse de ce rapport de force, pour pouvoir le comprendre, ça suppose d'avoir des moyens matériels, de pouvoir appréhender les luttes du prolétariat et son niveau de conscience, pour pouvoir intervenir aussi dedans, et pour savoir comment intervenir. Par exemple, dans les années 82, je ne sais plus exactement, il y a une quantité d'éléments de la gauche en recherche qui sont partis, motivés par des organisations trotskistes, à aller défendre le Nicaragua, par exemple, ou certaines zones d'Amérique du Sud, contre la soi-disant influence des États-Unis. Typiquement le genre de slogan qu'on peut retrouver chez Riposte par rapport à la révolution bolivarienne. Où là, à l'époque, c'est carrément des gens qui sont venus d'Europe creuser des tranchées parce qu'ils n'avaient pas une vision vraiment internationaliste aussi de qui défendait, en fait. Est-ce qu'ils défendaient vraiment le prolétariat ou est-ce qu'ils défendaient une fraction de la bourgeoisie, une fraction locale? Pour pouvoir arriver développer une vision vraiment authentiquement prolétarienne au niveau international, ça suppose à un moment donné d'avoir une organisation, une structure internationale qui permette de corréler des événements dans ce cadre international. Et c'est dans ce sens-là un peu que je vois la nécessité d'organisation on peut le dire, de centralisation. Déjà, de centralisation des informations, comme tu disais aussi, de centralisation de la production. Tu parlais du sucre. Enfin, je prends beaucoup tes interventions en exemple, parce que je trouve qu'elles sont très concrètes, et j'aime beaucoup ramener à du concret. Parce que, produire du sucre ou des médicaments qu'on peut cultiver dans telle ou telle région qui permet d'être opéré sous anesthésie, ou avoir du sucre, ça suppose de le transporter. Mais après, il se pose des questions. Qui prend les décisions de le transporter? Quelle quantité? Vers qui? En fonction de quels besoins? Donc ça suppose d'arriver à définir quelle zone a besoin plus qu'une autre. Et donc là, dès lors que c'est au niveau mondial, ça suppose une centralisation très rigoureuse. Et c'est dans ce cadre-là que le prolétariat a besoin de toute son unité et de toute sa centralisation au niveau international. Un autre exemple aussi concret dans le rapport de force qu'il a avec la bourgeoisie, on peut imaginer facilement que face à un conflit, militaire, où la bourgeoisie va défendre jusqu'à la mort en fait son pouvoir, quitte à traîner l'humanité vers sa perte plutôt que de le perdre. Si face à ça le prolétariat est désorganisé et face à une attaque très unitaire de la bourgeoisie militairement, avec son corps d'armée on a telle section qui dit on va en retraite, telle autre qui dit on va à l'attaque et telle autre qui dit on est ici, la répression elle va être sanglante, quoi. S'il n'y a pas une unité et un corps vraiment collectif qui s'oppose avec la même unité que la bourgeoisie va réprimer, on court à la catastrophe. Donc de ce point de vue-là, la centralisation, elle est évidente. Enfin, la nécessité. Après, il ne faut pas voir dans la nécessité, à un moment tu disais que si c'était posé comme quelque chose de nécessaire, ça paraissait dangereux. Je pense que ce qui est dangereux, c'est de ne pas voir la nécessité. De ne pas la comprendre, enfin l'appréhender, parce que la nécessité, elle y est. Face à la bourgeoisie, il y a une réelle nécessité d'être unis, et cette unité, elle passe par la centralisation, au niveau de l'organisation. Et voilà, mais c'est pas un danger que de dire que la centralisation est nécessaire. C'est la situation objective qui la rend nécessaire. C'est la domination de la bourgeoisie qui la rend nécessaire. Et si on parle de nécessité d'unité pour prendre le pouvoir, c'est pas seulement prendre le pouvoir, j'ai envie de dire, pour rejoindre l'idée d'une autre intervention, c'est prendre du pouvoir aussi. C'est comme disait quelqu'un qui est intervenu, le pouvoir, c'est le pouvoir de faire les choses. C'est pas du pouvoir au sens autoritaire, c'est du pouvoir au sens force. La centralisation, elle permet ça, elle permet de mettre en commun des forces, différentes forces qui sont présentes à des endroits très divers de la planète, quoi. Mais de tout mettre en œuvre pour s'opposer au pouvoir de la bourgeoisie. Enfin, voilà. Bon, il y a une dernière intervention. Moi, je me pose la question toujours quand on fait des débats comme ça, c'est pourquoi on ne mène pas les révolutions à terme. Donc, je me dis qu'on n'est pas capable d'assumer le changement. Une fois qu'on est au seuil, on n'y arrive pas. Et donc, je me dis c'est peut-être parce qu'on n'est pas en mesure de remettre en question notre façon de penser, et notre façon de voir les choses, et même notre façon de voir la société, de projeter autre chose. Et ce qui me fait dire ça, c'est que le fait qu'il m'a parlé des Cosaques qui battaient leurs femmes et qui leur coupaient la tête quand ils arrivaient, quand c'était enceinte. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas par où commencer, parce que bon, une fois que je suis dans la parole, après je perds le fil de mes idées. Mais je me dis que quand je regarde tout ça, je prends les choses simplement. Une femme, elle a des enfants, et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle dit attention, c'est sans des priorités. Les enfants, il faut qu'ils mangent. Les enfants, il faut qu'on les soigne. Les enfants, il faut une maison, il faut les protéger, etc. Qu'est-ce qu'on fait là, partout? Qu'est-ce que font toutes les religions? La femme, on écrase. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font les hommes? Partout, on voit, c'est eux qui font la guerre. C'est eux qui prennent les décisions de faire la guerre. Dans les gouvernements, il n'y a pas de femmes. Sauf maintenant, comme le bocal qu'on a dit tout à l'heure, on les met là pour décorer. Et elles agissent dans un esprit patriarcal, masculin. Donc je me dis que moi, que la révolution, le processus révolutionnaire, il ne peut pas se faire si la femme n'y a pas sa place. Voilà, donc je pense qu'on discute de production, de pouvoir, machin, mais on ne remet pas en question une certaine façon de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Une psychologie de l'individu, je ne sais pas comment on peut expliquer ça là. Je voudrais qu'on détente un peu ce sujet, parce que je pense que là il y a quelque chose à tirer, et que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à causer dans cette direction. Je pense que ça manque ça, parce que je ne vois nulle part, dans aucun débat, dans aucune revue que je lis, je ne vois jamais parler de ces choses-là. Et je me dis que la société matriarcale, c'est une société, je veux dire, de paix, de partage, parce que les femmes sont plus à même, malgré tout ce qu'on leur inculque, elles sont plus à même de comprendre qu'il faut donner à celui qui n'a pas. Parce qu'elles comprennent qu'un enfant à côté, qu'elle voit souffrir un enfant d'une autre femme, elle va tout de suite comprendre le mal que ça fait. Elle est plus, je dirais, dans la réalité de la vie. que les hommes, ils sont plus dans le rêve, je veux dire, parce qu'ils se battent pour quoi ? Pour le pouvoir, ils se battent pour l'église, ils se battent pour ci, ils se battent pour ça. Ils ont toujours des rêves de grandeur, alors que les choses, elles sont simples. La vie, elle est simple. On la vit au jour le jour et quotidiennement. Alors, j'arrive pas à intégrer bien ce que je dis dans le débat de Rolin. Je suis un peu dépassé. Ça, c'est parti. Mais je pense que c'est... que là, il y a quelque chose qui n'a pas été développé et qu'on met toujours à côté, à part. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de femmes aujourd'hui ici. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut poser. Juste une anecdote. On a remarqué en 2006, dans la lutte contre le CPE, dans différentes AG, Paris, Toulouse, à différents endroits, les filles étaient prenaient vachement la parole et elles étaient beaucoup moins immédiatistes que les hommes. Elles avaient une capacité d'organisation. On a vraiment été frappés par ça. Et mais ça, c'est dommage que le copain qui posait la question, c'est un signe. L'intervention des femmes dans la vie politique, c'est un signe. Effectivement, c'est un prémisse révolutionnaire. Oui, tout à fait. Tu le vois la révolution française, tu le vois la révolution russe, tu le vois, quand les femmes prennent la parole, interviennent, etc. Et tout, c'est très beau. Il faudrait peut-être qu'un jour on organise, je ne sais pas quand, un départ là-dessus. Avec des femmes, vous avez déjà vu. Moi, sur le masculin féminin, je dis attention. Oui. Attention. Moi, j'ai vachement de mètre féminin en moi, et j'ai peut-être aussi vachement de masculin. Si tu fais très entre patriarcat égale masculin. Tu l'as dit toi-même, le patriarcat c'est aussi fait. Oui, il a dit, il a dit. Donc, moi j'entends ce que tu as dit, et j'entends ce qu'a rajouté le copain aussi. Tu as raison, il faut imaginer des nouvelles formes de fonctionner, intrinsèquement, intérieurement, intimement. Mais je veux dire, le matriarcat c'est super et le patriarcat c'est super mal. Non, pour moi le matriarcat c'est le négatif du. Par contre, moi je voudrais répondre. Non, mais je voudrais répondre. En quelques minutes,